dans cette époque où je chavire. L'indécision puis la peur de se brûler de l'intérieur. D'un vent violent qui nous amène de la cocaïne dans les veines. Qui nous retourne de l'intérieur. Une tornade qui nous emballe, qui nous attend en embuscade. Dans ces sanglots, il y a du Rimbaud qui nous percute sans dire un mot. Qu'elle veut un truc brutal ou trop mielleux du moment qu'on est dans ses yeux. L'indécision et puis la peur de se brûler de l'intérieur. Un vent violent qui nous amène de la cocaïne dans les veines. Et que ce n'est pas la mer à boire. Trésor de loulou, dynamiteur d'aqueduc. chanter. Of my hiding place. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, justement, 96.2 MHz. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Internet. C'est www.radio-arc-en-ciel.com et .fr. Voilà. Parce que vous pouvez essayer l'un ou l'autre, mais de toute façon, c'est .fr maintenant. Il y a Florent, sinon il va me reprendre, comme à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas. Donc, si vous nous écoutez, c'est déjà que vous êtes calé sur la bonne fréquence. Donc, on est dans l'émission Maverika. C'est tous les vendredis soirs de 19h à 22h. Et dans chaque émission, on aime bien recevoir des artistes. Et ça a été le cas ces dernières émissions avec plein de bons artistes qui nous ont fait des morceaux en live. Ça, ce soir, n'échappera pas à la règle. Nous avons ici un invité, il est déjà là, hein. Il est venu accompagner aussi, il a amené sa guitare, et c'est quelqu'un qu'on reçoit assez régulièrement. Depuis le début de l'émission, on a écouté un petit peu de musique, on est revenu un petit peu en arrière avec le groupe Arcadia qu'on avait reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un superbe groupe qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, et le morceau qu'on a écouté s'appelle La Verticale, un morceau que j'aimais beaucoup. Hein. Juste après, Max Livio, Max qui est venu cette année dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est vrai qu'il n'était jamais venu hein, dans mon émission et pourtant on se connaissait depuis longtemps. Je passais régulièrement ses morceaux, je l'avais interviewé par téléphone et justement cette année il s'est déplacé, il est venu et on a passé un bon moment ensemble. On a écouté un morceau qui s'appelle La Nuit Je Mens et voilà, donc ça nous rappelle un petit peu plein de bons souvenirs. Juste après le petit jingle, vous avez pu écouter Sika, donc il y aura de l'actualité. Hein. Je crois que notre ami Didier, qui est là présent, il est en train de se préparer aussi, a fait une petite chronique parce qu'il va se passer quelque chose bientôt. Et puis bon, comme il va se passer quelque chose, on aura sûrement aussi le groupe Sika dans l'émission Maverika dans le courant de l'année 2026. Il n'y a pas de souci. Surtout que le projet, quand il a été créé, je me souviens quelques temps après, ils sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et donc c'est un groupe qu'on suit très régulièrement. Le morceau qu'on a écouté s'appelle, c'est nouveau, hein, je l'ai déjà diffusé la semaine dernière, mais ça s'appelle Alone et vous pouvez retrouver le clip vidéo sur toutes les plateformes de vidéos, tout simplement, sur Internet. Et à l'instant, on vient d'écouter le groupe Oskle, voilà, anciennement BRS, et le morceau que j'ai diffusé s'appelle Nothing, c'est un morceau que j'aime beaucoup, vous le savez, et en plus, il y a la nouvelle version, la version qui a été enregistrée sur le Maverika Live, le dernier Maverika Live, le Maverika Live numéro 15, il y a eu une captation de son et le son est excellent. Ils l'ont fait une petite vidéo, vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, il n'y a pas de souci. Et ça s'appelle Oskle avec Nothing version Maverika Live. Voilà, vous êtes dans l'émission Maverika. Ce soir, j'ai un invité comme d'habitude. On est ensemble jusqu'à 22h et c'est Alex Levaille qui est dans nos studios. Take away. I found the wrong, hold it wrong. Say the time, the time that knows where we're going. I wish the time. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, parce qu'on aime bien recevoir des gens dans les studios, et on écoute un petit peu de musique. Alors on a écouté les Twister Cover, le groupe que nous avions reçu la semaine dernière, et à l'instant c'était les Bell Rays. On a reçu le batteur Craig Water il y a quelques semaines aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Have a Little Fell In Me. Voilà. J'espère que j'ai bien lu, parce que j'ai lu un petit peu de loin hein, sur mon écran d'ordinateur. Voilà, donc on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous avons un invité qui est ici dans les studios. C'est un habitué, hein, c'est quelqu'un qui vient assez régulièrement. On va lui donner tout de suite la parole. Salut Alex. Salut Albino, bonjour tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Ah bah, il a une voix qui passe bien, on dirait qu'il est habitué. Hein, en même temps, il vient souvent dans l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel, mais il passe dans d'autres radios aussi. Hein. Oui. Donc c'est quand même une personnalité, c'est quelqu'un que une personne qui fait beaucoup de bonne musique et qui aime bien la partager et qui a beaucoup de personnes qui le suivent aussi. Hein, il faut dire ça comme ça. Voilà, donc Et ça va être une émission particulière ce soir. Bah, c'est toi qui as tout donc préparé. J'ai tout préparé et puis j'invite les auditeurs vraiment à écouter parce qu'on va. Je pense pas que tu aies beaucoup d'émissions comme celle qu'on va faire ce soir. Donc chaque émission est différente. Et moi je vois les dernières émissions qu'on a fait. J'ai pas tout en tête, hein, donc j'ai peur d'un petit peu d'oublier. Mais donc heureusement j'ai mes anti-sèches. Je vais te dire les trucs. On a reçu des Twister Cover la semaine dernière. Je sais pas si tu as vu les photos. On est en train de se poiler pendant toute la série photo. L'émission était comme ça tout le temps. On a passé un super moment. La fois d'avant c'était Peter Crazy Cash. On a passé un super bon moment avec lui aussi. Il nous a fait plein de lives. Super bonne ambiance. En plus, il est venu accompagné d'un violoniste et d'un autre guitariste. La semaine d'avant, c'était The Wild, le groupe de Paris, qui était formidable. Il nous a fait aussi un petit live et on a parlé de plein de choses et tout ça. Tu vois, Craig Water, qui est venu de Los Angeles, donc du groupe Bell Rays. Et on fait que des bonnes émissions. Et là, ce soir, Alex Levay. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, là. C'est ça. Non, mais à chaque fois, c'est toujours du bonheur. On a aussi une autre personne, mais elle est au téléphone. On va voir si on arrive à la récupérer. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah ben, ça marche et tout marche bien ce soir. C'est impeccable. Alors, toi, tu es un des membres du groupe Sky Droll qu'on a reçu il y a pas très longtemps. Tout à fait. Tout à fait. C'est Albino. Je suis le batteur. Ouais, tout à fait. Bah super. Justement, on a une petite question à te poser. Oh. Tu sais qu'aujourd'hui on a l'émission numéro 665. Ok. Tu as compris ? La semaine prochaine, c'est la 666. Est-ce que vous seriez dispo ? Et ça a été fait comme c'est ça. C'est la surprise du soir. C'est la surprise du soir, hein, parce que. Attends, mais on est quand ? On est à une semaine. Vendredi 26. Ouais. Non, ça sera le 19. Ça sera non, le 19, pardon. Excuse-moi. Le 19. Alors, moi, je sais que je suis. Ah, quoi que si, en vrai, je peux être disponible. Parce que je me suis dit, attends, 666, c'était prévu que l'on réserve pour un groupe de métal ou de hard rock, parce que, bon, ça va tout à fait dans le style. Et là, à l'instant, il m'a dit, il va y avoir, donc, le batteur de Skydroll qui va appeler. Et j'ai dit, Skydroll, attends, 666, ça peut pas être mieux que pour eux, quoi. Écoute, pendant que tu m'interroges, je suis en train de demander à mes confrères. Non, mais t'inquiète pas, et tu me donneras la réponse. C'est possible ou pas, mais c'est vrai que ça a été fait comme ça. Hein. Tu as une heure pour répondre. Tu as le temps, tu réponds. Et t'inquiète pas. Et en plus, je crois, Lino, tu vois, c'est pas pour mettre un coup de pression, hein, mais je crois qu'il y a un nouveau titre qu'ils aimeraient bien te faire écouter, mais qui est que sur les réseaux, les plateformes pour l'instant. Hein. Donc ça pourrait être l'occasion de venir le faire écouter, justement. Ah bah justement, ouais. Donc voilà, il y a pas de pression. Si vous êtes pas dispo, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Parce que j'avais pas prévu de faire d'émission la semaine prochaine, et finalement la date s'est libérée et je me retrouve avec la 666 juste avant Noël. Bon, c'est pas tout à fait le bon moment, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, ça. Non, mais le concept est incroyable, en vrai. Ouais. Donc ça fait plaisir que vous pensiez à nous. Que tu pensais. Ah bah oui, parce qu'on sait qu'Alex il pense à nous aussi. Mais, bah oui, justement, c'est lui qui m'a mis le truc là. Il m'a dit tiens, voilà, donc Skydroll. Et moi j'ai tilté, je me suis dit bon voilà, c'est peut-être l'occasion. Alex, on a des dettes permanentes envers lui. Non, pas du tout. J'ai même une petite anecdote. Si ouais. Tu veux. On a joué au Dropkick à Orléans il y a de ça. Voilà, vous avez pensé une catastrophe, mais une quinzaine de jours, je sais pas. Ouais. Ouais, j'ai vu les photos. Ouais, il y a eu des photos et tout ça qui ont été. J'ai vu quatre coups, quoi. Et notre cher Alex est venu nous sauver la vie. Dans le sens où, en fait, après avoir déchargé notre minibus pour aller au Dropkick, et ben en fait, on a perdu la boîte de vitesse. Dans le sens où on était bloqué en marche arrière. Je t'avoue, pour rentrer à Bourges, ça aurait pu être long. Oh ouais, ah oui. Et grâce à notre super bassiste. Bricole un peu de mécanique. Ouais, il y a notre cher Alex qui nous a emmené en 10 minutes chrono d'ici le faire. On a fait une réparation en MacGyver. On a pu rentrer à Bourges avec une vitesse. Mais c'était un grand moment et Alex, à chaque fois qu'on a besoin, et ça je peux vraiment l'attester. On a du mal à t'entendre, ta voix s'en va et revient, donc ouais, ça, c'est un peu bizarre. Il est dans l'émotion. On va tester les choses. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Là, oui, là ça va. Oui, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors bonjour, Victorien, 27 ans, ça fait 3 jours que j'ai pas bu. Ah non, c'est pas ça, pardon. Non, on n'est pas dans une réunion d'anciens alcooliques. Quoique, bon, je sais pas s'il y en a parmi nous, hein, mais bon. Non, je plaisante, c'est une plaisanterie. C'est pas drôle, d'ailleurs. J'ai les premières réactions à chaud. A priori, ils peuvent être chauds, les loulous. Je te reconfirme dans la soirée. D'accord, il y a pas de souci. Voilà. Ça peut se faire. Et, tu vois, et dans l'émission Mavrika, il y a plein de choses qui se passent. C'est pas prévu du tout, mais ça se passe toujours bien. Voilà, ça se goupille toujours bien. Que de surprises. Voilà, donc et puis j'avais pas prévu du tout d'émission. Et après, je me suis dit entre Noël et Jour de l'An, là, par contre, je ferai une émission où je serai tout seul ou peut-être avec Didier aussi. Et à cette occasion-là, on n'aura pas d'invité. On va juste faire un récapitulatif de tous les groupes qu'on a reçus. On va essayer de passer le maximum de musique. Et là, par contre, ce soir, c'est l'émission d'Alex. Donc, on va le découvrir son album. Il nous l'a ramené au complet, une exclusivité mondiale, je dirais même internationale, je dirais même de l'univers. Tout en fait. Je pense que t'es dans le vrai, dis donc. Je m'étais promis de pas tousser dans la soirée, ça y est, j'ai toussé. Ça y est, tu tousses, ça y est. On arrive à le faire tousser, tu vois, avec les compliments. C'est l'émotion. Il est allergique aux compliments. Ouais, c'est vrai. Bien trop humble. Très bien. Tu interviens ce soir, c'était aussi pour nous dire que tu avais un nouveau titre, alors, déjà, première chose. Alors ouais, on a un nouveau titre qui est sur les plateformes, qui qui s'appelle donc Dead Girl Goes Back. On a fait un petit clip, c'est Cyril, notre guitariste, qui a fait un petit montage d'un peu tous les moments sympas de l'année, et en fait on a remarqué que ce titre il plaisait bien au public, donc tu vois, aujourd'hui c'est un titre qu'on, pour l'instant, on n'a jamais joué en live, et donc on va essayer de préparer ça pour l'année 2026. D'accord. Et puis en ce moment, sinon, on est en pleine écriture et en plein enregistrement, donc on fait un peu tout en même temps, dans le sens où quand on a quelques morceaux de prêt, alors certes ça coûte un peu plus cher, mais on passe en studio et on enregistre dans la foulée. D'accord. Ok, donc c'est une manière de travailler, hein. Chaque artiste a des manières différentes de travailler, et vous, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Très bien. Tout à fait, exactement. Donc là, on a déjà quatre titres. On a un titre complet qui est terminé, et après on a trois titres qui sont en cours de finalisation, on va dire. D'accord, vous êtes encore en train de bosser dessus, vous les connaissez déjà, mais il y a encore des petits trucs à arranger, etc. C'est ça. Alors ils sont même c'est indirectement ça, dans le sens où en fait presque tous les instruments ont été enregistrés, il ne manque que la basse à l'heure actuelle. Et donc après ça passera en mix mastering. Donc ouais, on est plutôt proche de la fin sur ces trois-là. Moi je suis allé faire les batteries à Tours en studio il y a un petit mois et demi de ça. D'accord, c'était quel studio, tu peux le citer, il n'y a pas de souci, hein. Alors, je t'avoue, je ne sais même pas s'il y a un nom de studio, mais par contre, il y a le nom de la personne qui s'appelle Quentin Regnault, qui est connu surtout pas mal dans de la musique, parce qu'il a deux groupes, un qui s'appelle Aurora, qui est un groupe originaire de Tours, et un autre groupe qui s'appelle Vestige, qui est originaire de Paris, avec qui il a fait beaucoup de scènes sur les deux dernières années. Si les amateurs de métal ce soir qui nous écoutent, je vous invite à aller écouter ces deux projets, parce que c'est vraiment génial. Et donc Quentin, à côté de ça, à côté de son métier, on va dire, de batteur, il est passionné par le son. Et donc nous, on a fait appel à ses services donc pour l'enregistrement des batteries et pour ensuite le mixage et le mastering des morceaux au complet. D'accord, voilà, c'est pour ça que c'est important de citer les personnes, parce que tu es accompagné de autour d'un groupe, il y a aussi d'autres personnes qui interviennent, et justement c'est son cas, voilà, donc il vous a enregistré, et en plus c'est qu'il y a un connaisseur, puisqu'il est lui-même musicien, et ça c'est important aussi. Ouais, comme tu le finis hyper bien, et moi, quand on est en plus de batteur à batteur, si tu veux, en termes d'enregistrement, c'est hyper confortable. Parce que c'est pas forcément des choses qui sont évidentes, et moi du studio pur et dur, j'en avais pas fait depuis très longtemps, et donc c'est hyper rassurant tu vois, pour moi en tant que batteur, d'avoir quelqu'un derrière qui va pouvoir me donner des conseils, qui va pouvoir m'aider, qui va me permettre de faire chaque prise en m'améliorant à chaque fois, et non, franchement, voilà, si vous avez des projets, il est aussi batteur de session, que ça soit live ou studio, sincèrement c'est un gars en or, est hyper passionné, et en plus il est dans notre belle région, donc faut pas hésiter. Très bien, ben voilà, le message est passé en tout cas. Et donc là il y a un premier morceau qui est déjà finalisé, trois autres qui vont se faire, vous allez passer en studio, et ça sera prêt pour quand, ça? Alors vendredi prochain, ça sera bon alors. Ah bon, ça c'est pas sûr, on va être très bon en négociation, mais il n'y a pas d'arrêt de date pour l'instant vraiment sur l'album. On ne sait pas si ça sera courant 2026 ou courant 2027. Tout dépendra de nous, le temps qu'on prendra à composer, on sait qu'on veut prendre notre temps. Et puis en même temps continuer à faire de la scène, parce que c'est une des choses qui nous anime, et moi je pense que c'est la chose que je kiffe le plus dans la musique, c'est faire de la scène, rencontrer les gens, partager avec du public, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là ça fait déjà 2 ans qu'on défend notre dernière EP, et on continue en implémentant des petits singles par-ci par-là. On joue même une chanson du futur album déjà sur scène, mais qui pour le coup elle-même n'est pas encore sortie officiellement. D'accord, bah très bien. Donc là, vous êtes en plein boulot et tout ça. Donc n'hésitez pas, quand l'album sera prêt, hein, que ce soit en courant 2026 ou 2027, vous reviendrez à nouveau dans l'émission. On aime bien avoir des nouvelles comme ça des groupes qu'on aime bien, avec lesquels on passe des bons moments. On aime bien les faire venir, les faire revenir aussi. Voilà. c'est avec grand plaisir. Et du coup, je peux te confirmer en direct qu'on peut être présent vendredi prochain pour okay. l'émission. Ah bah super, c'est numéro 666. Alors, tu veux une petite anecdote, Albino? C'est que c'est le coup du destin, c'est marrant, parce ouais. que j'avais proposé à Victorien de faire une date avec moi le 19 décembre, et puis ça a été annulé quoi, il y a 5 jours hein, à peu près. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. En région parisienne. Donc du coup c'est pile poil tu vois. Mais tu sais des fois on dit c'est le destin c'est hein, parce qu'il y a des fois des trucs on dit on essaie de prévoir des choses, ça se passe jamais comme on veut et tout d'un coup il y a un truc qui se goupille qui se et c'est hop sans vraiment le travailler, ça se fait tout seul et d'autres choses qu'on essaie de préparer des mois à l'avance et tout ça au dernier moment il y a un problème, il y a un truc qui va pas et je crois que quand on a tous des agendas comme ça où on essaie de prévoir des choses à l'avance et tout ça c'est pas facile parce qu'il faut la disponibilité déjà, il faut qu'il y ait une émission. Par exemple, dans mon cas, il faut que je fasse une émission. C'est le vendredi soir, ça peut pas être autrement. Parce que nous, on fait en direct. On pourrait très bien enregistrer des émissions après les diffuser, mais on aime bien ce côté live, on aime bien ce côté présence dans les studios. Après, il faut la disponibilité des artistes. Là, tu vois, ça s'est super bien goupillé parce que il faut que quand il y a un seul artiste, ça se fait bien. Quand il y en a plusieurs, il faut que tous les membres soient disponibles. Il faut qu'ils aient préparé quelque chose, etc. Donc, il vous reste une petite semaine pour préparer. Ouais, une émission quoi. Ouais, mais on est pas inquiétés. Sincèrement, tu peux demander à Alex, peut-être qu'il te l'a dit en off. Je suis plus stressé là en étant en appel que quand je suis en présentiel en live à Petit Studio. Peut-être que le fait là d'être tout seul entre guillemets au téléphone, alors vous êtes là pour m'accompagner, il n'y a pas de souci. Et je sais que je suis très bien entouré, mais c'est vrai que tu vois là, t'es tout seul. Au téléphone, j'ai envoyé un message à Alex tout à l'heure, qui dit ah mais je suis limite plus stressé là au téléphone que quand j'étais dans l'émission avec Albino et les gars quoi. Ouais, ça, on le dit souvent. On me dit souvent qu'on arrive dans les studios, on est un petit peu stressé. 3 heures d'émission, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, tout ça. La semaine dernière, je voyais les Twister Cover qui étaient un petit peu inquiets parce qu'ils allaient jouer en live, ils savaient pas comment mettre les amplis, et donc ils étaient en train de voir s'il y avait pas des balances, des trucs comme ça. Nous, si on fait un peu à l'arrache, hein, les balances, on les fait sur le premier morceau et puis après on envoie. Hein. C'est pas non plus. On n'est pas dans un studio d'enregistrement. Ce qui compte, c'est mettre en valeur les artistes qui sont là. Donc ils ont envie de jouer, on les fait jouer. On essaie de faire quelque chose de propre, mais c'est pas un enregistrement qui va se retrouver sur un CD ou sur un vinyle. Quoique, il y a déjà des morceaux qui ont été enregistrés ici, qui se retrouvent dans des CD. Ça, je peux vous le dire, il y a eu plusieurs cas comme ça. Mais bon, le truc, c'est justement qu'il y a un peu le stress et tout ça, mais... À la fin de l'émission, on me dit toujours, bah finalement, ça s'est passé super bien, ça s'est passé super vite, on est à l'aise comme à la maison. Et puis voilà, tout le monde est content. À la fin de chaque émission, je demande, ça s'est bien passé. Et puis on me dit toujours, ah, super génial, etc. Donc ça, c'est un petit peu ma récompense d'avoir fait une bonne émission avec les artistes et d'avoir passé un bon moment avec eux. C'est la chose la plus importante. Ouais. Tout à fait. Et tu nous fais toujours passer un super moment, Albino, là-dessus. Franchement, s'il y a des gens qui hésitent à... Voilà, parce que je sais que tu reçois aussi pas mal de propositions ou des fois que tu sollicites, mais il faut vraiment pas hésiter parce qu'Albino, il vous donne super à l'aise. Alors là, en plus, je vais vous dire une chose, c'est qu'à peu près, je reçois en moyenne 3 propositions par semaine. Sachant que je fais qu'une seule émission, il y a une liste d'attente, je te raconte même pas. Mais là, je pouvais pas. 666, c'était un groupe comme vous, quoi, qu'il fallait, quoi. C'était tout à fait. Ça fait hyper plaisir, en tout cas, et merci à toi, et merci à toi encore, Alex. Petit chenapan, va. Petit chenapan. Il le savait pas non plus, hein. C'est moi qui m'a dit que Victorien allait appeler Skyroll. Et je dis, pile poil, voilà. Voilà donc le rendez-vous. Ça fait hyper plaisir en tout cas. Voilà, très bien. Autre chose à rajouter ? Eh bien non, à part merci. et puis je vais quand même pas mobiliser beaucoup plus de temps à mon cher Alex parce qu'il a plein de choses à vous dire. Oui, il y a plein de choses. Et alors il nous a tout prévu. Hein. Il m'a donné le programme, les morceaux. Ils sont déjà sur l'ordinateur. Voilà, donc on va faire une super émission. Il va falloir se dépêcher. J'ai aucun doute là-dessus. T'es avec une super personne. T'es une super personne aussi, Albino. Donc, ça peut que bien se passer. Très bien. Bah, écoute, tu passes le bonjour aux autres membres du groupe Skydroll. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, alors. Eh ben, avec grand plaisir, Aldino. Merci encore pour cette idée d'avoir pensé à nous. Et puis avec grand plaisir à vendredi prochain. Très bien, merci. Allez, salut, bonne soirée. Merci à tous. Et reste bien à l'écoute, hein, parce qu'il y a plein de choses à apprendre avec Alex. Allez. Voilà, donc c'était Victorien du groupe Skydroll qu'on a reçu. C'était, moi je me rends pas compte du temps qui passe. C'était cette année déjà. Il me semble, oui. Il me semble, c'était au début de l'année ou parce que des fois je me dis ouais ça fait un an et en vérité ça faisait deux ans ou un truc comme ça. Je dis c'est pas possible que le temps soit passé aussi vite. Il y a des cas comme ça. Par exemple j'ai reçu Arnaud Walden qui est venu à plusieurs reprises et on s'est rendu compte qu'il y avait sept ans qu'il n'était pas venu. Je dis mais attends Arnaud Walden qui vient pas pendant sept ans alors que on se suit, je vais le voir dès que c'est possible etc. Mais il était pas revenu dans les studios donc régulièrement j'aime bien faire revenir les gens et c'est ton cas hein, Alex, hein, tu es un de ceux qui revient le plus régulièrement. C'est et vrai. ça nous fait plaisir, hein, tout à fait. Tu n'es pas le seul, il y en a plusieurs aussi comme ça. Moi, je le vois au niveau des diplômes, parce que je remets un diplôme à la fin de chaque émission. Oui. Et les diplômes, je ne les veux pas tous pareils. Donc, le premier, il est bleu. Après, il y a les verts. Il y a un rouge, il y a un noir. Et après, il y a une nouvelle version qu'il n'y a que Yavanna qui l'a pour l'instant, parce que c'est elle qui est venue le plus souvent. Toi, tu es juste avant Yavanna, donc tu auras le noir ce soir. Donc voilà, il y a des artistes comme ça qu'on aime bien recevoir, qui reviennent régulièrement, qui ont toujours l'actualité, on passe un bon moment avec eux, c'est toujours un plaisir. Et après j'aime bien aussi découvrir d'autres artistes. Alors moi ça me fait vraiment plaisir parce que les artistes m'envoient d'autres artistes qui m'envoient d'autres artistes et ainsi de suite, ce qui fait que bah il y a beaucoup de gens en liste d'attente, mais on va essayer de faire le programme du mois de janvier février. La première quinzaine de mars, parce que la deuxième, je suis pas là, je suis en vacances, voilà. Donc il faut aussi que j'ai un petit peu de vacances. Donc on va essayer de faire ça, essayer de le caler, parce que c'est pas toujours évident de le faire. Là, ça s'est fait à l'arrache, une semaine à l'avance, mais des fois c'est plus compliqué que ça. Hein. Donc Alex, on va commencer déjà par écouter un morceau de Skydroll. Hein. C'est ça. Et puis après on lance. Et après on. Going to hell, on part vers l'enfer, ouais. Going to hell, hey, ça tombe pile poil 666 avec le groupe Skydroll. On les écoute tout de suite. Yeah. Voilà les Skyroll, donc un petit aperçu du site de musique qu'on va écouter la semaine prochaine, donc pour l'émission numéro 666 avec Skyroll. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et notre invité donc c'est Alex. Alors, ça va Alex ? Toujours, toujours. Donc voilà, on a discuté un petit peu avec Victorien. C'est vrai que j'ai pas regardé le temps, mais une heure est passée déjà. C'est ça. ça passe trop vite. Hein. Et là, il va falloir qu'on speed un petit peu parce qu'on a plein de choses à découvrir. Oui. Alors, je te donne la parole parce que c'est toi qui va un petit peu nous aiguiller. Faire le fil conducteur de la soirée. Voilà, c'est ça. Donc, je te vois prendre ta guitare. Hein. Ah ouais. On s'était vu il y a 5 ans, je crois, la première fois. Et je sais pas si tu te rappelles, tout avait commencé avec une chanson sur le confinement. Ah oui, tout à fait. Qui s'appelait Covid-19. Ouais. Que j'avais joué à ma fenêtre à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Oui. Et puis je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit, et puis j'avais dit aussi à ma communauté, parce que je dis toujours communauté, j'aime pas le mot followers, parce que pour moi c'est avoir un ego qui est trop élevé d'appeler ça followers, et j'ai toujours une communauté, des gens qui me suivent et qui font qu'on avance ensemble en fait. Le follower, c'est juste c'est un petit peu comme si on mettait un numéro sur la tête de quelqu'un, alors qu'une communauté, c'est une vraie personne derrière, et tu sais que je m'attache à ce genre de choses. Le côté humain est très important, voilà, ça c'est sûr. Et puis j'avais été le seul à jouer à la fête de la musique en 2020, pendant le confinement. Mmh. Dans le Loiret, là, c'est ça qui m'avait un petit peu lancé. Et puis, je t'avais dit que j'avais écrit 3 albums. Donc, je t'ai présenté les 2 premiers. Et aujourd'hui, je viens pour le troisième. Pour le troisième. Et puis, voilà, je sais pas si tu te rappelles Covid-19, le titre, là, qui faisait, je me rappelle même plus. C'était ça que j'avais joué à ma fenêtre. Hein. Oui. Le refrain, ça devait faire. Merci à nos soignants, mais aussi à tous les gens qui, malgré le confinement, restent forts et très patients. À Orléans, on veut vous dire que c'est ensemble. Affrontera le pire, Covid-19, nous t'éliminerons, car ensemble, reste à la maison. Yeah, voilà. Un truc de genre là. Ouais, je me souviens très bien. Ouais. Et celle-ci, elle est pas sur mes albums, rien, parce que j'avais pas voulu faire de. Je dois l'avoir dans mon ordinateur, je dois avoir une version que j'avais réussi à. Oui, en version live. Version live, etc. qu'on avait fait, mais je voulais pas la commercialiser, puisque ça restait une épreuve, en fait, un petit peu quand même pour tout le monde. Et c'est vrai que le Covid, c'est un des mauvais souvenirs, on préfère l'oublier un petit mauvais peu. Mauvais ou bon, ça dépend pour qui après. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui sont pas repartis depuis. Il y a des groupes qui se sont séparés parce qu'ils ont pas joué pendant un certain temps, ça a aussi arrêté. Et puis et toi par contre, c'était l'inverse, c'est-à-dire que tu étais le seul à être sorti à ta fenêtre et qui avait interprété ce morceau-là, et c'est un peu le morceau qui t'a lancé, qui t'a donné envie de continuer, de devenir ce que tu es aujourd'hui, Alex Lebaille, donc chanteur professionnel, hein, on va dire ça comme ça, hein. Tout à fait, parce que c'est le cas. Et du coup, en juillet, j'ai fait ma première radio, qui est une radio concurrente, mais j'ai dit que ce soir, je faisais un peu libre antenne, donc je me permets, qui est Radio Vague, qui est Artenay. Mais c'est pas du concurrent du tout. Je suis devenu le parrain de l'émission Bienvenue aux artistes. Ouais. Et puis, je connais aussi des personnes de Radio Vague qui m'ont déjà invité et tout ça. Donc, on leur fait un petit coucou parce que, voilà, c'est pas du tout des concurrents, c'est des gens qui sont un peu comme nous, qui reçoivent aussi des artistes, qui font la promotion des artistes. Et il y en a d'autres, hein. On n'est pas concurrents. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que tu sois dans les petites radios, dans les grandes radios, dans les très très grandes radios, et puis après dans les radios américaines et tout ça, quoi, dans le monde entier, quoi. Ça serait bien en Australie, en Inde, en Chine. On passe des morceaux d'Alex Lebaille, ça serait génial. C'est ça. Et puis du coup, le chemin s'est fait. Et puis donc, comme je te dis, on a le troisième album qui est arrivé maintenant.

musique. Tu manques déjà. Voilà donc le morceau de l'aimant, Adieu musique. Je pense que il faut pas qu'il dise adieu, hein, parce que avec une voix comme ça et puis une très belle chanson, hein, franchement, non, je pense que c'est plutôt une chanson d'espoir. Hein. C'est quelqu'un, j'espère qu'il va continuer encore longtemps. Oui, oui, mais fait des grandes selles. Voilà, c'est pour ça. Adieu musique, je pense que c'est voilà, c'est triste, hein, quand on écoute comme ça, mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui est très suivi en tout cas. Et donc c'est la première fois qu'on le passe dans l'émission Mavrika, mais grâce à toi. Mais tu veux rajouter autre chose sur l'aimant? Non, pas sur lui. Donc du coup, tu vois, t'as compris un petit peu le thème de cette émission qui est un petit peu particulière, puisque je t'ai toujours dit que je suis éternellement reconnaissant à ton émission qui permet à des jeunes porteurs de projets d'aller défendre un petit peu ce qu'ils ont à défendre. Et moi, comme je vous avais dit, j'ai 3 albums qui étaient prévus, et donc là, c'est censé entre guillemets être ma dernière émission avec toi pour ce lancement de ce dernier album, puisqu'il n'y en aura pas d'autres derrière, et que j'ai prouvé ce que j'avais à prouver, pas pour moi, parce que moi j'ai besoin de rien prouver, et je cherche pas à prouver quoi que ce soit, mais plutôt donner de l'espoir aux gens et montrer que c'est possible et qu'on peut arriver jusqu'à cet endroit-là. Et puis en même temps, comme je t'ai dit, on faisait un petit peu libre antenne, donc je vais me faire plaisir un petit peu ce soir. J'ai prévu quelques anecdotes très sympathiques, comme par exemple celle avec Camini. Tu connais Camini? Oui, qui a fait, Camini, oui. Marly Gaumont. Hein. Ouais. Et on avait fait une émission ensemble sur France 3. Oui, je me souviens de ça. J'avais vu les photos et tout ça. Ouais, c'est ça. Je vais montrer l'envers du décor un petit peu aux auditeurs. Et on avait fait donc une émission sur France 3, et il m'appelle la semaine d'avant, super enchanté. Il me dit, Alex, c'est génial, faut que tu prennes ta guitare, faut qu'on fasse Marly Gaumont ensemble, etc., etc. Mm-hmm. Et puis arrive ce jour-là où on fait cette musique, et puis devant tout le monde, il y a, mais j'ai plein de contacts, je vais te trouver des concerts chez moi dans le Nord, etc., etc. Et puis il a plus jamais répondu à aucun SMS, plus aucune nouvelle et tout, puisque c'est un milieu d'opportunistes, et les gens sont là uniquement pour ce que eux veulent. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti un album l'année d'après, et ce genre de promo, ça l'a servi durant toutes ses émissions. Donc ça, c'est une partie de l'envers du décor. On a la petite Jade aussi, avec qui j'ai fait le titre On the Other Side, qui est sorti là il y a un mois à peu près. Et beaucoup de ma communauté m'ont envoyé des messages en me disant, mais pourquoi elle partage pas? Pourquoi elle écrit pas? Elle a même été jusqu'à marquer des j'ai pas sorti de nouveaux titres cette année, mais j'en sortirai un l'année prochaine, je vous le promets, parce qu'elle va faire la première partie de Claudio Capeo. C'est ce qu'il lui a proposé pendant La France un incroyable talent. Et en fait, j'étais intéressant parce que quand on l'a contactée, elle n'avait pas encore fait Incroyable Talent et ni les auditions. Et puis elle a vu l'équipe avec Bruno Ramos à la réalisation, qui est le bassiste de The Voice, et puis de 500 voix pour Queen, la chanson française, etc. Il y avait Pierre-Étienne Michelin, le batteur de Michael Jones, Jennifer Shai, Mamel Bent, et Héritage Goldman, enfin voilà, une équipe du tonnerre. Donc elle s'est dit, ça va m'aider, ça va me pousser. Et puis quand il est un peu plus grand, avec Incroyable Talent, et ben là elle s'est dit, bon ben en fait j'ai plus besoin de cette opportunité là donc je vais passer complètement à côté. Et donc c'est pour ça aussi que le titre a pas forcément ce que t'as dû remarquer, mais c'est un des titres qui du coup qui a été le moins streamé dans ce que j'ai sorti. Et je pense que ma communauté a compris aussi que voilà, c'était peut-être pas dans l'état d'esprit de ce que j'envoie d'habitude et de ce que je donne dans le partage, parce qu'il faut savoir que ce titre-là, je l'ai fait diffuser sur Énergie France. J'ai parlé d'elle à Camille Combal, à Charlie dans le Super Show d'Énergie, etc. Donc on a fait des beaux trucs. Hein. On a fait une émission de télé où il y a plus de 8 millions de spectateurs. On a parlé de ce titre-là. Et puis dimanche, elle devait faire une émission de radio sur une grosse radio nationale aussi que je lui avais trouvée. Et puis elle répond même plus. Donc l'animateur a dit, bon, je trouverai quelqu'un d'autre. Et moi, j'y passerai la semaine prochaine. Mais voilà, tout ça pour dire que à ceux qui se lancent, aux jeunes ou moins jeunes, hein, mais préservez-vous de tout ça. Moi, j'ai su me préserver de tout ça, puisque ça me passe à côté, mais j'avais envie d'en parler et de montrer que c'est pas forcément que les paillettes et que ce qu'on voit autour, et qu'il y a, beaucoup de personnes qui se tirent dans les pattes. Ben je regarde Didier, oui, ça c'est quelque chose qui revient assez souvent, et c'est vrai mais que ce n'est pas forcément dit, donc il faut ce savoir n'est pas le dit, dire. Et nous on sait le taire aussi, hein, parce que dans l'émission Mabrication on devait dénoncer tous les trucs comme ça, mais on s'en fout à la limite, c'est ça. Faut que ça nous passe à côté, parce que on vit et de plus en plus, hein, c'est pas dans le monde en général, le monde est de plus en plus hypocrite, hein, faut quand même l'avouer, hein, et dans ce milieu là je crois que c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que on a connu, hein, depuis tiens, j'ai regardé pas mal d'émissions sur les artistes, plein d'artistes qui avaient marché dans les années 60 70, etc. À la fin, les gars c'est des copains, ils font des trucs, ils font une super album, et après il se passe une chose, c'est que après entre eux ils se déchirent, ils se font des procès, parce que non, c'est moi qui crée la chanson, non mais c'est moi qui ai composé, ouais mais c'est moi qui et à la fin c'est du gros n'importe quoi, et des grands groupes ont splitté à cause de ça. Donc il faut savoir qu'il y a une rivalité même dans les propres groupes, hein. Et alors entre les artistes eux-mêmes, il y a je crois que, mais bon, ça je pense que les gens le savent. Oui, mais le fait d'en parler, les artistes le savent pas forcément, et du coup comme c'est une émission qui est beaucoup écoutée aussi par les artistes et ceux qui viennent défendre des projets, et ben voilà, je voulais qu'ils sachent qu'au fur et à mesure où ils vont monter, et ben il y a des choses que qu'on ne dit pas forcément, qu'on ne voit pas forcément, oui, mais à l'inverse. Mais à l'inverse, moi, Albino, et tu les connais très bien, et j'avais dit que je parlerais de ce soir. Il y a des gens qui ont eu Mano, par exemple. J'ai fait la première partie de Mano devant 3000 personnes. On est resté en contact. Mmh. On est très humain. Baptiste l'a rencontré. Il est extraordinaire. Super. Il y a un petit gars qui paye pas de mine, où j'avais jamais pris de cours de chant dans ma vie. Puis j'ai été voir un gars une fois ou deux pour voir un petit peu ce qu'il pensait de moi et ce qu'on pouvait faire ou pas, ce que je pouvais faire ou pas. Et puis il m'a porté, puis il m'a permis de faire sa première partie à l'Alliage d'Olivet. Il était présent ce jour-là. Et pourtant il y avait rien de spécial, en fait. J'étais pas dans son milieu, dans son univers exactement à lui. Il aurait pu prendre quelqu'un de plus rock. Et non, il a décidé de me laisser la chance. Tu connais, hein, c'est Benoît, le chanteur de la Jarrie. Alors, j'ai même vu, ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et c'est vrai que le temps est passé très vite, parce que moi, la Jarrie, j'ai l'impression de les découvrir, encore aujourd'hui. Parce que franchement, c'est un groupe, j'ai été de nombreuses fois les voir en concert. À chaque fois, je me prends une claque. C'est un groupe que j'adore, tout simplement, hein. Voilà, j'aime pas dire aux gens que je les aime pas, mais ceux que j'aime, j'aime bien leur dire. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi des gens super bien et tout ça qui font un travail qui n'est pas exactement celui que moi j'aime, mais j'ai appris à les apprécier, etc. Et puis il y en a certains, c'est la musique que j'aime, et puis c'est les gens que j'aime, et puis tout se passe bien, quoi. Mais heureusement, dans l'émission Mabrika, on a quand même beaucoup de bons retours. Les gens sont contents de venir dans l'émission. Par contre, tu vois, moi, je pourrais te dire la même chose. C'est pour les Mabrika Live, on a été un peu déçus la dernière fois, il n'y avait pas assez de monde. Et voilà, moi, ce que je voudrais, c'est si on a envie de que ça continue, cette aventure, c'est aussi de venir, de participer aussi aux événements qu'on fait, parce que c'est vraiment important. Il faut sortir, il faut aller voir les concerts. Bon, dernièrement, j'ai discuté avec pas mal d'associations. Il y a beaucoup d'associations qui sont dans le rouge, hein. Il faut savoir, on n'arrive plus à atteindre autant de gens. Mais il faudrait aussi que les gens qui sont concernés directement, les artistes, tout ça, qui viennent dans l'émission, se sentent aussi acteurs du mouvement, parce que finalement une association ou alors une radio comme par exemple IOTA, Radio Arc-en-Ciel, voilà, c'est important d'adhérer à ces associations et puis de les encourager, etc. Donc il faut être au même temps acteur, il faut aussi encourager les gens qui vous encouragent, voilà, il faut aller tous dans le même sens, tous ensemble on y arrivera beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, le petit message, moi je comprends très bien ce que tu veux dire. Et heureusement, tu as cité certaines personnes. D'ailleurs, tu es quelqu'un qui aime bien remercier les gens, et tu cites beaucoup de personnes. Ça, c'est quelque chose que je vois. Il y en a certains, des fois, moi j'analyse aussi les personnes avec qui je partage des émissions. Et il y en a certains, des fois, il faut surtout pas parler d'autre chose que de... Voilà. Et ça, je l'ai remarqué. Bon, c'est assez rare, mais il y en a certains. Il y en a 5. C'est comme ça. Donc voilà, il faut parler d'eux, et puis c'est tout. Ils s'intéressent absolument à rien d'autre. Et puis toi, c'est pas ton cas. Voilà. Non, ils sont rares. Hein. J'ai pas. Sinon, les gens qui vont venir dans mon émission, ils nous analysent et puis après ils nous jugent, etc. Non, je vais pas. Déjà, je cite pas de nom. La grande majorité, ça se passe super bien. Encore le cas de la semaine dernière, on a des très bons souvenirs. Un Didier, ton micro est ouvert, hein, si tu peux parler. Oui, non, mais je suis tout ouïe ce soir. Avec, tu vois, les Twister Covers, super moment. Tous les derniers qu'on a eu dernièrement, là, franchement, que du bonheur. Je suis en train de remonter. Bah, attends, avec quel groupe ça s'est mal passé? Ça se passe toujours bien dans l'émission Mavrika. On arrive toujours à avoir des bons contacts avec les gens. Et après, bon, on aimerait bien aussi que quand on organise des trucs, ils viennent aussi. Ah, ça nous fait vraiment plaisir. Bah oui, et ça nous est resté un peu en travers notre association ne peut pas fonctionner sans personne. Voilà. À partir du moment, je parle au nom de mon association, mais au nom d'autres associations, si les gens ne viennent pas, moi je fais l'effort d'aller assez souvent à des concerts. Tu as pu voir, depuis que tu es dans l'émission, je vais assez souvent à des concerts, oui, je vais voir les artistes, je rencontre des gens, quand je vois que c'est des amis qui organisent, je vais les voir si c'est possible. Bon, après c'est pareil, on peut pas se couper en deux, et puis on peut pas tous les jours de la semaine aller à des concerts. Mais je fais l'effort d'y aller une voire deux fois par semaine. C'est un plaisir de voir les gens, et en plus on est là pour les encourager. Ils sont ravis de nous voir. Bien sûr. Voilà, quand ils savent, tiens, Albino de l'émission Mavrika, voilà, c'est un gars qui s'intéresse, il est là. Mais aussi, quand lui fait des trucs, il faut aussi montrer qu'on s'intéresse. Voilà, c'est simplement ça, un petit coup de gueule, pas méchant. Ouais, c'est bien parce que de revenir. Non, mais je veux pas inculper les gens qui ne viennent pas. Par contre, je veux remercier de tout mon cœur tous ceux qui étaient là. C'est ça le plus important. Et je voudrais pouvoir remercier encore plus de personnes la prochaine D'ailleurs, fois. Je te passe le bonjour de Dominique de Rascasse que j'ai vu mercredi au marché de Noël. Ouais, et avec lui, on prépare quelque chose aussi, un petit truc. Donc, ça nous fait plaisir parce que Rascasse, franchement, Dominique, il est venu à plusieurs reprises avec plusieurs projets différents. Il y a du retour. Il est venu au Mavrika Live. Ils ont remplacé Red Daff qui n'a pas pu venir. Ça s'est fait très bien. Suite au Mavrika Live, on continue à avoir des contacts, des bons rapports et tout ça. Le soutien, c'est important, que ce soit dans la musique, que ce soit un petit peu dans tout, dans les moments gays, dans les moments difficiles. C'est bien d'avoir des soutiens d'amis. C'est là qu'on reconnaît un petit peu ses vrais amis. On a une galère avec la boîte de vitesse qui reste coincée en marche arrière. On est sur des gens. On est tout seul assis sur un... sur un banc, 5 minutes avec toi, non, pardon, c'est un autre chanteur, mais on est tout seul assis au coin du feu, sur un vin chaud, puis on se fait masser le dos, tout d'un coup, on est sur un tabouret, on se demande ce qui se passe, on se retourne, on se dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là? Salut Alex. On papote beaucoup, mais il va falloir qu'on envoie un peu de musique parce que le temps passe à une de ces vitesses. Et on a plein de trucs à envoyer. On n'a pas encore envoyé un seul morceau d'Alex. C'est ça. C'est ça. Donc, bon, allez. Maintenant... Et donc, ce fameux titre en duo avec Jail, que vous avez découvert à la France, un incroyable talent et qui a été jusqu'au quart de finale. En fait, c'est un titre qui parle de. Qui inverse, en fait. Ça inverse pas les rôles, mais. Ça inverse quand même un peu les rôles dans ce qui est chanté d'habitude, puisque là en fait c'est la femme qui trompe l'homme et c'est pas le contraire, parce que ça aussi ça existe et il y a pas que les côtés. J'ai jamais eu de doute là-dessus, hein, je savourais. Il y a pas que les côtés. Alors je suis même venu avec des stats, mais je te les sortirai les stats après. J'ai le stat à sortir, mais c'est sur une autre chanson. Et donc en fait tout avait commencé avec un petit riff de guitare, c'est super mignon, ça faisait juste ça. I want you near me, please. Et puis après, du coup, on a fait tout l'arrangement, tout l'arrangement, tout l'arrangement. Et on a rajouté un million d'instruments et de choses. Et ça fait le titre que vous avez découvert le 17 octobre et qui s'appelle On the Other Side, en duo avec Jade. C'était donc On the Other Side. Voilà, donc le morceau enregistré en studio cette fois-ci. C'est ça. Voilà, parce que tu avais fait la petite interprétation au début. On a bien reconnu le même morceau. Oui, c'est avec même. Plus d'orchestration, voilà. Voilà, avec Jade qui est normande. Avec une très belle voix, ouais. Et qu'à d'autres titres que vous pouvez redécouvrir sur les plateformes de téléchargement, etc. Et puis elle fait pas mal de concerts. Donc, si vous êtes dans la Normandie, je vous invite à aller la voir. Et elle a vraiment une très très belle voix. Et c'est chouette, donc bravo elle. Tu veux qu'on poursuive avec alors du coup les autres titres, personne ne les connaît, ils sont jamais sortis et ils sortiront jusqu'en 2027. Donc c'est vraiment pour ton émission qu'ils sont là. Par contre, c'est disponible en version CD et en version vinyle. D'accord. Ça, je les ai déjà moi. Et puis et pour ceux qui veulent le réécouter. Eh ben, vous pouvez l'écouter le 11 avril à la Maison des Arts et de la Musique où je ferai le concert de sortie d'album. J'en reparlerai d'ici la fin de l'émission pour ceux qui veulent. Écoute, mais je crois que t'as pas regardé, mais il a le téléphone qui s'est mis en direct. J'ai vu. Voilà, il fait le standardiste en même temps. Alors je reprends un petit peu le micro pour. Mais il a bien raison. Pareil. Et puis, donc du coup, pour ceux qui veulent, le 11 avril, je ferai mon concert de sortie d'album à Orléans, à la Maison des Arts et de la Musique. Mais j'en reparlerai aussi un petit peu plus tard dans l'émission de ça. On va continuer, si tu le veux bien, mon ami, avec un titre. Juste avant, je voulais t'interrompre parce qu'on a quelqu'un au téléphone qui voulait parler au monsieur qui est en train de parler à l'antenne. Ok. Allô ? Allô ? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonjour, oui, bonsoir, monsieur Mavrinka. Comment allez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu au Salon de la Gastronomie ? D'accord, ouais, je vois qu'il... Mais oui, on sait bien qui... Très, très, très bien, ouais. Impeccable. Vous êtes encore là, monsieur Stéphane. Stéphane. Désolé, hein, tu m'as dit que tu passais à la radio, moi j'appelle. Hein. Il est partout, cet homme-là. Très bien, donc on avait discuté avec lui lorsque tu étais passé la dernière fois dans l'émission Mavrinka, et on l'a retrouvé au Salon de la Gastronomie... justement, il y a combien de temps? Avec Didier. Avec Didier, voilà. Il est là. Il est là aussi. Ah, mon vieux Didier, comment tu vas? Il va bien. Tout le monde est là, on se retrouve. Hein. Toute la famille. Ah, c'est la famille bien. Ici. Hein. Comment va mon cher fan de Jean-Pierre Savelli? Oui, aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Savelli à Radio Arc-en-Ciel grâce à Francky à l'époque. Ah ouais, d'accord, notre ami Francky qui aujourd'hui n'est plus sur Radio Arc-en-Ciel, il est sur notre radio, mais qu'on salue parce qu'il fait toujours partie de la famille. Oui. Hein, voilà. Non, mais effectivement, j'avais eu la chance de rencontrer ce monsieur-là, là-bas. D'accord, très bien. Bah, c'est vrai que pendant de nombreuses années, il nous a accompagnés. Et le matin, il faisait des émissions dans lesquelles il recevait plein de gens, il faisait intervenir plein de personnes. Donc, il nous a permis de découvrir pas mal de choses. Oui, et puis ça m'a permis de vous rencontrer la dernière fois au Salon de la Gastronomie. Comme ça, j'ai pu faire votre connaissance. Voilà, comme ça. Et tu tutoies dans l'émission Mavrinka, on tutoie tout le monde. Hein. Moi, des fois, il y a des petits jeunes, je les tutoie. Voilà. Et des fois, il y en a certains qui pourraient être mon papa. Et je les tutoie aussi. Pourquoi? Parce que ça nous rapproche, hein. c'est le côté... Eh ben, tutoyons-nous alors, moi tutoyons-nous. Je préfère aussi parce que le vouvoiement me vieillit. Oui, moi c'est pareil, moi j'ai l'impression qu'on parle à un vieux monsieur, et puis on n'est pas pressé de vieillir. Hein, on est entre nous, hein, on est, comme on dit, c'est la famille. Hein. Ouais, c'est la famille, allez on se tutoie, voilà. Ouais, en plus, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Alex Lebel, qui est une personne d'une gentillesse extrême. Et à côté, je parle pas de monsieur Didier, qui, alors lui, est un monument sur pattes. Il vous raconte des histoires, mais qui sont extraordinaires. J'ai eu la chance de lire un livre. Là, je lis le deuxième. Mais ce monsieur-là, c'est un monsieur avec un grand M. Voilà, moi, j'ai l'honneur de connaître ce monsieur-là. Mais c'est extraordinaire pour moi. C'est vrai que moi, je le connaissais. On se voyait des fois dans des concerts, mais ça fait combien de temps? Ça fait... Un an, un truc comme ça qu'on se parle et qu'on t'as commencé à venir dans l'émission. Aujourd'hui, t'as ton émission aussi. Ouais, je te remercie d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. On a les mêmes goûts, on aime la musique, musique, la photo, la radio, la radio, la communication. Et puis la rencontre aussi avec des gens. Ça, c'est vrai. Les gens vrais. Les gens des gens vrais et sincères. Voilà, surtout les sincères, pas les opportunistes. Ah ouais, non mais moi j'ai eu la chance. Notre première rencontre avec Didier, c'est au concert d'Alex Lebel à la Guinguette de Saran. Exactement. T'étais son premier fan. Je me rappellerai. On a sympathisé. Je venais de temps en temps à la Guinguette. J'ai fêté mon anniversaire là-bas. D'ailleurs, Monsieur Didier m'avait foutu la honte devant tout le monde en disant que c'était mon anniversaire. Entre guillemets, je parle entre guillemets. C'était mon anniversaire. Et puis j'avais chanté, c'était sympa. Ah oui, t'as demandé de chanter en plus. Ah oui, il m'avait demandé de chanter, ouais. Oui, en plus il avait plus le lendemain, donc c'est bizarre. Ouais, on se demande pourquoi, je sais pas. Ouais, on se demande pourquoi. Non, mais là. Et puis même toi maintenant, Monsieur Lamrinka, j'ai la chance de te connaître, je pense que tu es. Si tu connais ces deux personnes-là, tu dois être une personne d'une grande gentillesse. Hein. J'espère que j'aurai l'occasion de te revoir et de te recroiser. Hein. Ah bah ça y est, pas de souci. Hein. C'est vrai qu'on a déjà échangé plusieurs fois. Il y a un beau feeling qui passe entre nous. Donc il n'y a pas de raison. Donc même peut-être tu viendras peut-être un soir, parce que tu m'avais dit que tu étais intéressé de voir comment ça se passait à la radio. Donc voilà, on t'invite prochainement quand il y aura des artistes. Tu pourras venir en même temps. Et puis comme ça, pas de problème. Hein. Participer. Et moi, je vous invite à venir boire mon café sur mon lieu de travail. Oui, c'est vrai. On sait où tu es. Tu nous l'as déjà dit plusieurs fois. T'es pas loin d'un rond-point. sur la route de Saran. On en restera là, mais on passera de boire. Peut-être qu'on passera un jour tous les trois. Hein. Ouais, tiens, ça sera un truc comme ça, on se rencarde et puis on débarque là-haut un jour. Voilà, ouais, comme ça, moi je paye le café, je vous file un calendrier de ma boîte, et des t-shirts et tout. D'accord, voilà. Bah, super. Bon, bah, ça vaut le coup alors. Ouais, ouais. Ça vaut le coup. Il n'y a pas de problème. Voilà, merci en tout cas Stéphane merci. D'être intervenu merci dans l'émission. Merci beaucoup mon cher Stéphane. Il n'y a pas de problème, j'espère que tu vous seras écouter. Là le 11 avril 2026 à Orléans oui. pour le concert de sortie d'album. Merci beaucoup Stéphane de ta venue déjà d'avance. J'ai noté J'ai toujours pas ton album, hein, monsieur Lebel. Mais il faut venir l'acheter, il est disponible sur la boutique. Vous tapez alexlebaille.fr. Ouais, mais moi j'achète pas sur internet, moi je peux faire acheter de main à main. Mais écoutez, vous étiez à Comet, qui est à peu près à 800 mètres de chez moi, vous n'êtes même oui, pas passé monsieur, le récupérer. J'étais accompagné, donc je ne pouvais pas... Non, tu étais à Comet, tu n'étais pas accompagné. Oui, j'étais à la Comet, c'est vrai. Et je n'aurais pu vous déplacer aussi. J'étais à la Comet. Oui, ben ça, oui, tu m'étonnes oui, que tu es bien à la Comet, toi, un petit peu. Vous vous mardi, vous venez à côté de chez moi. Tout avant à fait, j'interviens dans le centre handicapé des Centarpans pour faire des ateliers et percussions. Ils règlent leur compte, hein. Non, mais alors, ouais, ah non, non, si, non, si, c'est ça, je fais. C'est un tennis. Non, c'est vrai. Je fais des ateliers percussions le mardi au centre handicapé des Centarpans à Saran. Et puis, Stéphane travaille juste à côté. Et l'année dernière, j'avais l'habitude de temps en temps, une fois par mois, je venais boire un petit café pour le voir. Et cette année, ils ont changé les horaires. Donc c'est du coup plus compliqué. Pas mais ça va se faire, ça va se faire. Des fois, ça tombe pas comme on. Il n'y a pas de souci. De toute façon, monsieur Didier, il faut que je te rende ton bouquin. Tu l'as déjà lu? Ah non, l'autre bah, non, l'autre. Non, le ah premier. Oui. Le, ah oui, le premier. Le deuxième, je ne l'ai pas encore lu. Je commence à le lire. Ah oui. Dépêche-toi parce que j'en ai écrit un autre. Ah ouais, bah, et puis j'attends toujours qu'un jour tu me balances des photos et puis tu m'appelles et tu m'expliques les photos que tu m'as envoyées comme tu avais fait la dernière fois. J'avais vraiment apprécié ce moment-là. Tu veux des photos de moi? Bah non, mais tu sais, la dernière fois, tu m'avais envoyé des photos. Je vais rester là. On va pas rentrer dans le détail, ouais, on va pas rester là sur les photos. La parole à Alex, ouais. Il est là pour ça. Bon, messieurs, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne émission, une bonne soirée, puis à une prochaine fois. À une prochaine. Merci Stéphane, à très bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir. Voilà, donc c'était Stéphane, voilà, qu'on a rencontré il y a pas très longtemps, qui était déjà intervenu dans ton émission la dernière fois. Donc, il a voulu intervenir aux gens. Il est gentil comme tout, Stéphane. Voilà, très bien. Et puis, donc, vous allez vous trouver une date pour pouvoir vous rencarder à un moment ou un autre. Hein. C'est oui. Des fois, c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Et ben, on va continuer dans notre lancée parce que ça avance pas tellement vite. Hein, oui. On va sauter quelques trois pages. On a trois pages et puis quelques choses. Donc je te disais que à part On the Other Side, les autres titres sont pas sortis et sortiront d'ici longtemps. Parce qu'on va faire une sortie à l'anglais, c'est-à-dire que tous les un ou deux mois, je sortirai un titre. Le prochain sortira dans un peu plus longtemps qu'un ou deux mois, parce qu'il sortira en mars et je t'en parlerai tout à l'heure quand on va l'écouter. Et donc le prochain titre s'appelle Emprise. C'est un titre que j'ai écrit et joué en 2011 avec mon groupe de l'époque. Et puis il est resté de côté. Et quand je me suis remis vraiment à fond dans la musique tout seul, on l'a réinterprété, réarrangé, etc. Et ça en a fait la version. Un peu plus Indochine que d'accord que j'ai l'habitude de faire. Donc je te propose d'écouter un extrait de 2011 qui est dans le grenier de mon ami batteur de l'époque qui s'appelle Laurent, qui est toujours sur dans la région orléanaise. Et puis donc vraiment enregistré avec le son du téléphone de l'époque. D'accord, donc ça, avec le téléphone. Ça va être très et marrant. Juste derrière, on envoie derrière la vraie prise, la vraie version actuelle, donc 2025. Et on va enchaîner ça l'un derrière l'autre. Donc le titre Emprise, Alex Lebaille. Ce téléphone, le son. Emprise. On entend bien. Thank you. seul. Les studios de Radio Arc-en-Ciel après deux morceaux de Alex Lebaille qui est notre invité de cette émission numéro 665. Donc on a écouté Emprise, la version 2011 qui avait été faite avec un téléphone, et juste après on a envoyé la version studio. On a vu tout de suite la différence. Donc Emprise, donc le en exclusivité mondiale, je dirais même galacticale, universelle, intergalactique, mavericale, intergalactique. Et à l'instant, c'était le titre Parano. Oui, t'avais envie de l'écouter celui-là, tu t'es dit, allez, on le met. Si tu l'as compris, c'est le titre le plus rock du nouvel album. D'accord. Et bon, il parle de choses qui sont pas forcément évidentes. Donc voilà, il parle, tu vois, au début, il y a un monsieur là qui vient et qui propose des bonbons, enfin des cadeaux et tout ça. Ouais, des gens qui ont été... c'est ce qui m'était arrivé quand j'avais 11 ans, malade de Baptiste, tu vois, sur la place de la bascule, il y a quelqu'un qui a essayé de m'embarquer dans sa voiture et c'était très très loin, en fait, c'était un meurtrier en série d'enfants, etc. D'accord, et ouais, il y a eu un dispositif de police pas possible, enfin, un gros bazar, mais je te la fais courte. Et puis la deuxième histoire où je parle de footing, et puis il y a une ombre qui s'illumine derrière moi, etc. Il y a une dame qui faisait un footing au bord du lac de Saint-Privé, Saint-Mémin. Et je pense que tu avais entendu cette histoire. Oui. Ils ont retrouvé là, il y a pas très longtemps. Ils ont retrouvé quelques années après, ils ont trouvé le coupable. Hein, je ne sais plus comment ils ont fait, mais effectivement, on pensait qu'on trouverait jamais. Ça serait. Et donc ça parle de ça. Cette histoire. D'accord. Donc, et des fois, on se croit en sécurité, puis on se retrouve dans des situations pas possibles avec des gens hyper dangereux qui peuvent on les reconnaît pas, hein, forcément. Hein. Ils ont pas tous des têtes de méchants. Hein. Des fois, ils ont des têtes d'anges. Et puis, en vérité, quand on voit des fois les meurtriers et puis les serial killers, etc. Là, il y a rien qui les distingue forcément d'autres personnes. Et pourtant, je suis sûr qu'autour de nous, il y en a certains qui sont passés. Moi, je pensais aussi, par exemple, tu sais que par exemple, il y a des fois des attentats, des choses comme ça, et on se dit, tiens, peut-être que les gens qui ont causé tel ou tel truc sont passés à côté de moi à un moment et personne ne les a remarqués, quoi, finalement. C'est comme ça qu'ils arrivent à passer justement n'importe où. Pourquoi? Parce qu'ils passent, personne les calcule. Et puis derrière, il se passe des choses comme ça qui ne devraient pas. Voilà. Donc on devient parano un petit peu. On devient un peu parano, ouais. On ne sait pas d'où le danger vient, ce qui se passe, etc. Enfin, voilà, c'est très compliqué, hein, pour tout, hein, pour tout, même en voiture, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Hein, oui. Mais, un refus de priorité, et c'est la personne qui est en tort qui râle. Qui klaxonne et qui et poursuit l'autre. Ça peut finir, imagine, je sais pas, il a un couteau ou une batte de baseball dans sa voiture. Donc on devient parano. C'est assez compliqué. Il y a plein de choses comme ça, des fois, qui dans la vie, on s'y attend vraiment pas, et puis il y a des trucs comme ça qui peuvent se passer sur la route, sur... Faut faire attention, quoi. Il faut quand même faire attention. Il faut pas faire confiance à tout le monde. Voilà. Très bien. J'ai choisi un autre morceau juste après, qui est pas un morceau de moi du coup, mais qui me fera la transition pour parler de mon morceau qui suivra. Après, on en reparlera un petit peu. Hein. D'accord. Et c'est un artiste que j'apprécie beaucoup et qui m'a inspiré dans ma jeunesse, dans mes débuts, qui est Damien Saez. Et j'ai vu aujourd'hui, là, il refaisait une tournée des Zéniths et des Arénas l'année prochaine. Il se remet un petit peu en selle et voilà, vraiment les deux grandes personnes qui m'ont influencé, c'est Indochine et Saez. Et je me rappelle à l'époque. T'as été les voir là il y a pas longtemps, Indochine aussi? Non, j'y suis pas allé. Et la fois d'avant non plus. J'étais pas dispo. et c'est très marrant parce que là où tous les gens apprennent Zombie à la guitare en premier morceau ou Nirvana, tu vois. Moi j'avais appris une chanson de Saez, mais ça se trouve je vais même pas réussir à te faire le début, mais juste pour écouter la mélodie sans la voix, sans rien, puis après on mettra sa musique. D'accord. J'ai trouvé ça magnifique en fait comme. Elle transporte cette chanson. Puis après, ça tourne en boucle comme ça. Ouais. Elle est super. Ça y est, maintenant elle est magnifique. J'avais calé le titre. Je me souvenais pas, mais là, tu l'as interprété. Ça y est, elle est dans ma tête. Je l'ai reconnue. Et c'est la chanson qu'on va écouter juste après. Qui s'appelle Monter là-haut. Monter là-haut, Damien Saez. See, I just saw. Voilà, c'était Damien XVI, un artiste qu'on a déjà diffusé dans l'émission Mavrika. Oui, effectivement, ils ont influencé pas mal d'artistes. Il a influencé pas mal d'artistes. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Monter là-haut. Voilà. C'est ça. Il y a des textes qui sont très poignants et bon, parfois il dit des vérités aussi. Oui, je pense que même des fois ça dérange certaines voilà. personnes. Parce mais que les gens quand ils disent trop de vérités, ben, ça gêne. C'est voilà. ça. Et donc ce titre-là, Monter là-haut, je ne sais pas si tu te souviens, donc on avait parlé en début d'émission que j'avais fait la première partie du groupe La Jarry qui était en oui, avril. Tout à fait, j'étais là. Le 1er avril 2023. Et d'ailleurs, tu m'avais même fait un reportage photo avec des magnifiques photos qui me suivent encore et qui sont appareil. Sur mes affiches de tournée, etc. Donc, très merci bien, beaucoup, de toute façon, ils sont là pour ça. Hein. Il faut vraiment t'en servir parce que moi, voilà, c'est pas je mon crois métier. Même que, c'est pas mon métier. Et donc, quand je fais les photos, si tu vas sur internet et que tu tapes ce que j'ai dit tout à l'heure, alexlebaille.fr, je crois même que la première photo, c'est une photo de toi, justement. D'accord. Enfin, que tu as pris, toi, pendant cette première partie à La Jarry. Et puis, quelques jours avant de faire cette première partie, on a eu une épreuve terrible parce que j'ai perdu mon fils, un de mes fils, le grand est à côté de moi. Mm-hmm. Et je te rappelle, j'avais dédié cette première partie justement pour ça. Et puis, et cette chanson, elle est venue de là. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand c'est arrivé, je me suis retrouvé complètement seul. Alors, ma femme était là pour moi et mes enfants aussi, hein. Mais je me suis retrouvé vraiment seul, c'est-à-dire que même ma famille n'allait plus me demander si moi j'étais triste ou quoi. Tout le monde était concentré sur madame, avec « Oh, c'est terrible en tant que mère de vivre une épreuve comme ça ». Et elle a eu un soutien incommensurable de tout le monde de partout. Et moi, rien de rien, parce que moi je suis un homme, et un homme n'a pas le droit d'avoir des sentiments, et n'a pas le droit de ressentir des choses, n'a pas le droit d'être triste, d'être en deuil par rapport à un enfant. Ouais. Et cette chanson-là, je l'ai déjà jouée une ou deux fois en live, et j'ai raconté cette histoire juste avant de la chanter. Et là, en fait, si tu veux, il faut t'imaginer. Tu te rappelles, j'ai des ailes de phénix dans le dos, là, en tatouage. Oui, je les avais photographiées d'ailleurs. C'est ça. Et il faut t'imaginer débuter cette chanson où je suis à genoux, dos au public, avec ces ailes qui sont là, et juste une lumière toute seule sur ces ailes. Et ce titre s'appelle « Je pars ». Je pars, croyez-moi. Voilà donc Je pars, donc, et c'est un album plein d'émotions que tu nous as fait là. Oui, et tu t'as remarqué aussi, et c'est vrai que ça j'en ai pas parlé. Je t'avais dit donc les fameux trois albums et ce côté communauté. Mmh. Et je sais pas si t'as remarqué depuis le début, depuis les premiers titres qu'on met sur ce nouvel album, mais en fait on a avancé main dans la main avec toute cette communauté. Et au début on avait un premier EP qui était presque guitare voix, hein. il y avait la basse, la batterie quand même, mais n'est pas beaucoup d'arrangements, de réalisation et tout. Après on a eu un album Nouveau Départ qui avait déjà un peu plus abouti, et plus d'orchestration, plus de choses différentes aussi. D'un morceau à l'autre, t'as des instruments différents, t'as des rythmes différents, etc. C'est ça. Et là celui-là, alors jamais dire jamais parce qu'on peut toujours faire mieux, mais on est quasiment au max de ce qu'on pourrait faire. Après ce serait rajouter trop de choses et ce serait inaudible et ce serait pas joli, donc là en termes de direction artistique et de réalisation, arrangement, etc., on a vraiment été au max de ce qu'on voulait faire, et c'était un petit peu pas l'explosion, mais voilà, tu vois, t'as vu les violons, tout ça, qui arrivent derrière. Ça, les violons, tout ça, ça ramène quelque chose. Voilà, la chanson, déjà, elle est pleine d'émotions, et ça nous fait vibrer encore plus, ouais. les violoncelles, les violons, tout ça. Et c'est vrai que c'est des instruments qui sont très, très beaux, en plus, qui accompagnent bien ta voix et qui accompagnent bien ton style de musique. Oui, voilà. Oui. On va changer de style pour la prochaine chanson, et c'est une chanson qui est née d'une discussion avec Bruno Ramos, le bassiste, voilà, réalisateur sur mon album, où on parlait de tout et de rien, tu vois, on parlait boulot, et puis à un moment donné on a dérivé, on a parlé de la vie en général, et puis des enfants, du quotidien, de tout ce qu'on peut voir, quoi. Et puis à un moment donné, je dis, je comprends pas comment on a fait pour en arriver là, en fait. Et les gens nous disent un million de choses. Et je suis même venu avec des stats aujourd'hui, comme je t'avais dit. D'accord. Mais tu vois, on nous met dans la tête un million de choses, et nous on suit toujours ce qu'on nous dit et ce qu'on nous fait. Et on nous a parlé de crise économique, donc les gens n'avaient plus de sous. Parce qu'on leur a dit le mot crise économique, les gens ne pouvaient plus sortir, ils n'avaient plus d'argent, ils n'avaient plus rien, etc. Là, en ce moment, la grande mode aussi, c'est de faire des chansons sur les hommes frappent les femmes. Il faut savoir qu'il y a 9% de femmes battues en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 9% de femmes battues. C'est largement de trop. J'aimerais ce soir qu'on dise, vous pouvez tous regarder sur Internet, qu'il y a 7% d'hommes battus en France. Et ça, personne n'en parle, on n'en fait pas un sujet dessus. Mmh. Mais comme on fait un tel sujet sur les femmes sont battues, etc., elles sont quasiment autant que les hommes battus dans le truc. Mais sauf qu'on s'est dit, bah tiens, et là, il y a un levier à faire financier qui est juste incroyable et tout, on va aller parler de ce genre de truc. Mmh. Et je comprends pas comment on est arrivé là. Et il y a une autre chose aussi que je comprends pas, c'est que, tu vois, par exemple, dans la France, un incroyable talent, je rebondis là-dessus, parce que du coup, j'ai regardé cette année, et il y a une petite qui s'appelle Daisy, et qui elle va en demi-finale. Faut savoir que Daisy, c'est la pote à Joseph Kamel, qui a écrit le titre de Pierre Garnier, J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Donc elle a coécrit avec Joseph Kamel ce titre-là, elle a fait toutes les premières parties de Pierre Garnier 1, et là, comme par magie, elle est en demi-finale de La France un incroyable talent. Moi, je demande aujourd'hui à la radio, j'aimerais que l'année prochaine, Lara Fabian se présente à La France un incroyable talent, pour montrer sa voix et voir jusqu'où elle va, si elle va en finale ou pas. Parce que si on prend déjà des artistes qui sont accomplis pour aller faire ce genre d'émission, à quoi ça sert? Par contre, des gens, et j'ai dit que j'en parlerai, des gens comme Yavanna, Ivani, Chris Milan, Mathis Poulain, Adonis, et puis tous les groupes, tous les gens que t'as pu recevoir, ces gens-là qui sont tout le temps en concert, en fait, parce qu'ils font pas des tournées de je fais 15 zéniths et après on entend plus parler pendant 5 ans parce que j'ai de l'argent et j'en ai plus besoin de faire des tours. Ces gens-là, ils sont avec leur trip, on aime pas. Ouais, tous les jours, on aime pas la compo, la chanson qu'ils font. Ça, c'est des goûts et des couleurs de chacun. Mais pourquoi on va tous aller payer Pierre Garnier 80 balles de zénith alors que sa chanson était déjà écrite par Joseph Kamel, que TF1 a investi de l'argent sur ce mec-là en disant on va faire une tournée derrière qui va nous rapporter? Pendant qu'il y a des petits comme ceux que j'ai cités, comme moi sans et comme plein d'autres, le mot petit, hein. Qui eux essaient de se battre tous les jours, et eux on va même pas les voir, et on va pas les voir non plus au Mavrika Live. Comme on avait dit tout à l'heure, voilà. Les gens payent 80 balles pour aller voir Pierre Garnier au Zénith, qui est un produit qui est payé on en revient à ce qu'on disait. Qui est un produit payé par la France. Fait, oui. Et par contre, à quelques euros, on ne va pas au Mavrika Live pour aller voir des gens qui, eux, vendent leur trip. Ils vendent pas un produit qui est abouti, ils vendent leur trip. Et comme je répète, qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais ces gens-là, ils le font avec beaucoup plus d'âme et beaucoup plus de cœur que certains grands. Qu'on voit pas tous, attention, pas tous, hein, faut pas tous les mettre dedans. Oui. Et oui. Ça se trouve, Pierre est très bien et que lui s'est retrouvé dans ces mailles-là et dans cette stratégie commerciale-là, de ces chaînes de télé, que ce soit TF1, M6 et d'autres, hein. Et je sais de quoi je parle, parce que tu te rappelles, j'avais fait La Nouvelle Star en 2005, donc. Oui, tout à fait. Je connais les rouages de ce genre de choses. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait ce genre de trucs-là aussi, et ils m'ont raconté que finalement, tout était déjà. Oui, c'est déjà écrit, et c'est déjà fait. À l'avance, hein. Finalement. C'est un peu, tu sais, comme dans les combats de chiens, tu prends des pitbulls et tu prends des rottweilers qui sont moins méchants et qui sont moins bagarreurs, mais qui sont massacrés par les pitbulls. Et c'est un peu ça, tu vois. Tu as des gens qui, de toute façon, vont gagner. On le sait. À côté de ça, on met quand même des gens qui ont du talent pour les présenter tout ça, mais qui n'auront aucune chance de toute façon dès le départ. Ouais, on ça, le sait très bien. Tu le retrouves dans tous ces styles de concours, hein, que ça soit aussi bien dans la cuisine, que ça soit aussi bien dans le chant, oui, surtout dans le chant. Mais enfin, voilà, je comprends pas pourquoi Daisy qui a écrit après, pour Pierre Garnier, ça, qui fait elle là, tu vas regarder même. Il y a une autre chanteuse, Silda, qui est en demi-finale. Non, elle a pas été en demi-finale. Elle a s'arrêté au quart de finale. Elle fait la première partie d'Amir au Forest à Bruxelles. Non mais par contre, toi, tu fais incroyable talent, alors que déjà tu fais des scènes à des milliers de personnes. Mais qu'on laisse la chance à, comme je le répète, des Chris Milan, des Ivani, des Yavana, des tout ce que vous voulez, qui eux sont là avec leur trip, avec ce qu'ils peuvent, qu'on laisse la chance à tout le monde. Ouais, sur un plan économique, voilà, Chris Milan ou Yavana ou un truc comme ça, bah, ils iront pas, enfin, ça sera pas le même attrait sur un plan financier de toutes ces productions-là. Donc, aucun rapport. On le voit aussi avec une autre émission sur TF1, hein, enfin, c'est TF1, je crois, c'est Starac. C'est pareil, quand on voit les jeunes qui viennent à Starac, tu te dis, non, mais attends, ils sont déjà coachés à l'avance, ils ont déjà, alors enfin, pour moi, c'est pipé d'avance, on le sait. Voilà. Et dans Incroyable Talent, pour moi, les gens qui chantent ne devraient pas passer Incroyable Talent. Pour moi, hein, oui. Il devrait y avoir plus de spectacles dans l'acrobatie, dans la magie, dans le truc, tout ça, parce que. Ceci dit, voilà. Le petit guitariste là, il est quand même. Je sais pas si vous avez regardé là. Non, j'ai pas suivi, non, j'ai pas. Vous regarderez. Il y a un petit guitariste, il a 9 ans, je crois. Ça fait un an et demi qu'il fait de la guitare. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la guitare. Je joue. C'est le petit prodige. Je joue pas un titre de ce qu'il fait. Enfin, réincarnation de Jimi Hendrix. C'est incroyable. Et il a dit en direct à la télé qu'il voulait être le meilleur guitariste au monde. Et en un an et demi si de guitare. Si c'est celui que je pense et que j'ai déjà vu sur d'autres. En un an et demi de guitare, de ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Enfin, voilà. Et donc, ce titre s'appelle Je comprends pas. Et parce que je comprends pas tout ça. Ça parle de ça. Juste une petite parenthèse. Et tout à l'heure, tu nous avais parlé aussi. Voilà, les artistes, il y en a qui sont connus, qui remplissent des salles. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avec de pognon derrière. C'est le pognon qui fait un peu tout ça, hein, finalement. Il faut que ça rapporte. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent dessus, etc. Hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui n'ont pas toute la machinerie derrière. Et moi, je compare ça un peu comme des musiciens qui font de l'industrie. Et à côté de ça, tu as le petit artisan qui fait de la musique aussi bien, mais qui n'a pas tout le monde derrière lui, et qui le fait avec son cœur, et en attendant qu'il continue à le faire. À travers ça, si... Après, je repasse la parole à Alex, mais à travers ça, si toi, demain, enfin toi, ou... Enfin, la personne, elle a l'opportunité de le faire. C'est-à-dire d'avoir... Ben voilà... tu joues dans la rue, tu joues l'harmonica, tu chantes dans la rue. Demain, t'es pris, tu. Oui, mais là, ça, je pense que c'est l'occasion. Enfin, je sais pas, c'est ce que tu veux faire. C'est comme ça qu'on voudrait que ce soit. Mais on s'aperçoit qu'il y a des choses où, de toute façon, il y en a certains qui vont réussir parce que c'est le fils de et le tonton de l'autre et le parrain de machin, et d'autres qui pourront toute leur vie vont vivre de la musique en faisant des tournois, en jouant partout et en ayant un tout petit salaire de rien du tout, bah, qui n'auront jamais rempli des salles, ça, mais qui sont passionnés et qui savent faire de la musique très bien. Tu le retrouves partout, tu le retrouves au football, tu le retrouves dans un peu tout. Mais ce que disait Alex tout à l'heure, il a entièrement raison, que des gens qui participent, enfin des artistes qui participent, mais qui ont déjà... des artistes accomplis. Accomplis, qui ont déjà le pied plus que dans l'étrier, parce qu'ils sont déjà à cheval... bah, c'est pas, quelque part, c'est pas juste. Il y a une injustice par rapport à des Chris Milan, Yavanna. C'est pour ça, laisser Lara Fabian se présenter à Incroyable Talent. Moi, je propose qu'on lance Lara Fabian dans ce concours. On va lui écrire, on va lui envoyer un petit message. D'accord. Lara, bon, si en même temps, je vais me mettre à la place de la télévision, parce que moi, je reçois des artistes, je reçois des gens, des débutants, des gens qui jouent dans leur chambre, qui n'ont même pas fait de concert, qui des fois ont fait des super émissions. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de défendre leur travail, ils travaillent depuis pas long, assez longtemps, ils ont composé des morceaux, ils ont envie de nous les présenter, et ils viennent dans l'émission Maverika, on ne sait pas quel sera leur venir. Est-ce que demain ils vont remplir des grandes salles, ou est-ce que demain ils vont arrêter? À la fin, là, un autographe, pour... Ouais, mais à côté de ça, je reçois aussi des artistes accomplis, et je ne vais pas leur dire non, venez pas, parce qu'ici, c'est que pour les débutants. Donc, moi, quand j'ai la Jarry qui s'était proposé de venir dans l'émission et qui revient régulièrement, pour moi, c'est que du bonheur. Et donc, s'il y a d'autres artistes accomplis qui, régulièrement, on en a certains qu'on interviewe, etc., eh ben, on est content. Et s'ils peuvent venir dans l'émission Maverika, on sera content aussi. Voilà, donc, moi, dans l'émission Maverika, je suis très large. Donc, ça peut aller du petit débutant. Moi, j'ai vu certains adolescents qui sont venus dans l'émission Maverika, qui étaient accompagnés par leurs parents, qui ont fait de la musique. Et quelques temps après, ils sont devenus des musiciens professionnels. Et en quelques années, je les ai vus progresser à une vitesse. Donc, moi, voilà, je suis là. Mais quand ils sont professionnels, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils étaient venus dans l'émission Maverika. Et ça me fait toujours plaisir de les retrouver, même quand ils deviennent connus, etc. Qu'ils n'oublient pas qu'ils avaient commencé dans l'émission Maverika et qu'on avait déjà cru en eux, ici, sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Donc, on va écouter le morceau que je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc, c'est notre ami Alex Le Bail. C'est chacun pour soi. Je suis d'une époque qu'on jouait à la marelle. On sautait dans les flaques depuis la maternelle. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Je suis d'une époque où les parcs étaient pleins. On riait, on jouait, on se tenait la main. Je comprends pas, je comprends pas, non, je comprends pas. Je suis d'une époque où on connaissait le respect, les valeurs, la liberté. Comment on a fait pour en arriver là? Je comprends pas, je comprends pas. Pourquoi maintenant c'est chacun pour soi? Je comprends pas, comment on a fait pour en arriver là? Je comprends pas, pourquoi maintenant c'est chacun pour soi? Maintenant dans ce monde, on rit des autres, on filme en rond, on part sur les réseaux. Mais je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Maintenant dans ce monde, y a plus d'histoire, y a plus d'amour, c'est juste un miroir. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Maintenant dans ce monde, on vit pour travailler, c'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Je comprends pas, comment on a fait pour en arriver là. Je comprends pas. Pourquoi maintenant c'est chacun pour soi? Je comprends pas, comment on a fait pour en arriver. partir de ça. Voilà, on découvre en exclusivité universelle. Donc le nouvel album. Alors comment il va s'appeler cet album ? Il s'appelle Cercle sans fin. Alors, Cercle sans fin. Le premier s'appelait La vie et j'expliquais qu'il y avait des bons, des mauvais moments dans la vie, etc. Je posais un petit peu le tableau, on va dire. Ensuite, il y avait l'album Nouveau départ, où là, tu rencontres quelqu'un, mais que ce soit en amour, mais aussi en amitié, ou un enfant qui arrive, hein, tu peux transposer ça dans un petit peu tout. Et puis, le mauvais un peu mis de côté, il se passe des belles choses. Et là, on arrive dans le cercle sans fin, car, c'est joli, mais il y a toujours, ça revient en fait, hein, le mal, malheureusement, le mal revient souvent. Et puis ça va nous lancer sur le prochain titre qui s'appelle Trop donné. Trop donné. Et bon, de toute façon tu me connais un petit peu. Alors il y a une artiste que t'avais, je crois que t'as reçu dans ces studios là, tu vois. Mais pour être gentil, je vais pas dire son nom, je voulais le dire, mais en fait j'ai pas envie de le dire. Mais tu vois, je l'ai pour donner une anecdote, je l'ai fait monter. Elle avait lâché son travail, elle voulait faire de la musique. Je l'ai aidé je lui ai donné des conseils, je l'ai aidé, je l'ai emmené à Radio Vague, je me demande si elle a pas fait une émission aussi avec toi. Oui, aussi. Avec toi, elle était venue et je l'ai fait monter sur scène, aux côtés de Caroline Costa, pour les Restos du Cœur, etc. Et une fois qu'elle a appris tout ce qu'elle avait à apprendre, elle m'a plus jamais donné aucune nouvelle, ni rien. D'accord. Et voilà, c'était merci Alex d'avoir trop donné. Et voilà, moi ça a toujours été dans cette optique là, tu vois. Et puis voilà, mais tu vois, je pense aussi à Santa au Téléthon. Je rebondis un peu sur ce qu'on disait en même temps tout à l'heure, de je comprends pas, et qui en même temps aussi dans le trop donné. Tu vois, Santa au Téléthon, elle a donné 99 999 euros. C'est incroyable, ça n'est jamais arrivé dans le Téléthon. Quel artiste incroyable, etc. Le lendemain, t'allais regarder sur ses ventes, elle affiche bientôt complet partout. Donc les 99 000, c'est pas de l'argent qu'elle a donné, c'est de l'investissement que la prod a fait. Pour machin, mais alors du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été tous voir le site de Santa, ils ont dit, elle est déjà qu'on l'aimait bien, mais alors là, hein, ils ont tous payé 80 balles leur truc et tout. Et moi, je vais te dire un truc, moi, Albino, hein. Déjà, dans trop donné, c'est vrai, j'ai toujours trop donné, et je continue de donner, je continue de me faire avoir de partout, mais bon, ça, c'est pas grave, ça me regarde, moi. Ce soir, j'ai envie de te faire un petit cadeau. Alors, il devait être avec nous au téléphone à la radio. Il s'appelle Guillaume Aubert. C'est un ami de Nostalgie. D'accord. Et il devait parler un petit peu. Et puis, je lui explique un petit peu ton parcours et tes 15 ans d'émission, 665 émissions. Enfin, ouais. qui est juste incroyable, etc. Et voilà, moi, j'aimerais t'inviter dans les studios de Nostalgie et d'Énergie, chérie FM à Paris, si tu veux venir avec moi un jour. Parce que je dois y aller là pour remettre mon troisième album. Donc si ça te dit, je t'invite à venir avec moi un soir du lundi au vendredi. C'est de 19h à 20h, il passe des vinyles, et après de 20h à minuit, il passe des vrais vinyles, et il passe même une cassette. D'accord. Ils ont racheté une machine à Nostalgie, et tous les soirs, ils passent une musique d'une vraie cassette, et ils passent une musique d'un vrai vinyle aussi, qui choisit dans toute la collection et tout. Et Baptiste, t'avais rencontré Guillaume, il est super gentil, quand on avait été à Nostalgie, à Énergie. Donc je te propose de venir avec moi et d'aller visiter les studios rue Boileau, à Paris. Super. Et puis je vais dire que je suis pas Santa et avec son histoire de Téléthon là. J'ai même entendu parler que chez nous, le Père Noël cette année faisait ses courses dans des magasins type Vinted, etc. Tu vois, des choses réchappées. Mais j'aimerais lancer un message ce soir et j'aimerais dire et j'espère que ce mouvement il va suivre un petit peu et que ça va lancer, parce que je pense que c'est la moindre des choses et ça mérite d'être fait et d'être impulsé sur ça, parce que c'est trop facile de donner. Moi, je sais, parce que c'est ce que je fais. Je donne, mais je reçois jamais. Et toi, dans ton émission, c'est aussi ce que tu fais. Tu donnes énormément. Et je voulais t'inviter à Héritage Goldman, tu vois, mais ça n'a pas pu se faire. Oui, on n'a pas pu se voir. Tu m'avais invité. Et oui, c'est ce jour-là. J'avais déjà quelque chose de prévu en plus. Je sais bien. Et donc ça n'a pas été possible d'annuler. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était un truc que je pouvais vraiment pas annuler, quoi. Donc je sais bien. Et je savais pas du tout ce que tu me proposais. C'était une surprise. c'était la surprise. Tu m'as dit là, est-ce que tu... Ah ben je dis ben non, là j'ai un... Ah oui, on avait l'Assemblée Générale avec l'association, donc on avait une réunion, et donc les gens allaient venir, je pouvais pas dire non, ben non, on annule parce que je vais ailleurs, donc ouais, c'était ça, c'était par rapport à l'association, voilà, tout simplement. Et puis moi je suis président, donc j'étais obligé d'être là. Mais ça, c'est ça, parce qu'Albino, c'est pas juste une émission de radio qui s'appelle Mavrika, mais c'est aussi une association, c'est du temps de passer, et c'est plein de choses, et tu reçois énormément d'artistes ici. Et normalement, ils sont plus ou moins au courant ou pas. Mais j'espère que ce soir, ils vont l'être encore plus. Ton association, elle organise aussi des concerts. Donc, tu vas aller louer une salle, tu vas avoir un ingénieur son, lumière. Enfin, t'as des bénévoles aussi qui t'aident, mais t'as des dépenses aussi à faire sur cette association et tout. Et comme je t'ai dit, je suis pas... voilà, c'est très compliqué de vivre dans la musique en ce moment. Mais si je peux impulser cette chose-là, j'aimerais que tous les groupes... qui passe dans le Mavrika Live et qui voit cette vidéo et ce qu'on filme en ce moment puisse le faire. Donc ce soir en live sur toi, dans ton émission Albino, j'aimerais te faire un chèque de 50€ pour pour l'association Mavrika. Et parce que comme nous artistes, toi tu fais toujours l'effort de venir nous voir et de nous aider dans nos démarches, et c'est ça qui nous fait vivre. Parce que si on a personne derrière qui vient nous voir, et ben du coup on peut pas, on a plus de public, on peut pas jouer, on a plus de raison d'être. Et si nous derrière on ne soutient pas des gens comme toi pour ce genre d'émission qui nous permettent d'avoir de la visibilité et de pouvoir faire ce qu'on essaie de faire le mieux possible, même si c'est pas forcément le mieux possible, mais ce qu'on essaie de faire au maximum. Donc si nous on ne peut pas être là pour te soutenir, je vois pas qui le ferait. Et c'est vraiment avec le plus profond de mon cœur que je te fais chèque aujourd'hui et que je te le donne. Et j'espère que ça va impulser les autres artistes et surtout aller faire comprendre que au-delà de ce côté argent, il y a aussi le côté du temps que toi tu donnes, de l'investissement, de la personne que tu es, des interviews que tu mènes, de toutes tes émissions et de tout ce que tu fais, des recherches de musique, de tout en fait, et d'aller voir en plus les artistes. Et c'est la moindre des choses que de t'aider là-dessus. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, je tenais à te remettre ça pour l'association Mavrika. Et je pense que si on s'y met beaucoup, on peut peut-être même réussir à faire un concert encore plus beau et plus grand et dans une salle même encore mieux et mille fois. Et je te le souhaite pleinement d'avoir pour l'édition de l'année prochaine le plus beau succès que tu puisses avoir, parce que tu le mérites vraiment et que t'es vraiment une très très belle personne, moi Albino. Bah écoute, tu me dis ça, c'est, je sais plus quoi dire, moi, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et tu sais, moi, depuis qu'on se connaît, hein, on a l'impression de se connaître depuis très longtemps, parce que finalement, on a toujours accroché l'un à l'autre. On a les mêmes passions, etc. Et je t'ai toujours trouvé une personne super gentille, tout ça. Et franchement, là, ce que tu fais pour l'association, je te remercie au nom de toute l'association. Et la question aussi, là, tu me dis, on a besoin les uns des autres. Et c'est vrai que moi, j'essaie, grâce à mon émission, avec mon association aussi, de promouvoir justement les artistes que je reçois. Et quand on a été un peu déçus, je sais pas si tu as lu le message que j'avais mis suite. Beaucoup de gens, quand ils me voient, ils me disent, voilà, j'ai vu ton message, etc. Et des mots d'excuses, j'en ai eu je sais pas combien, mais des mots d'excuses, s'ils avaient été là, ces personnes-là, on aurait rempli la salle, mais largement. C'est-à-dire, j'ai eu plus d'excuses que de personnes ce soir là-haut. On sait, moi, le premier, hein, je sais qu'on peut pas toujours être là. Il y a des gens qui viennent régulièrement, qui ont pas pu venir, ceci, cela. Ouais, ok. Mais il y a des gens qui ne viennent jamais. Je sais pas, il y a des gens qui sont pas disponibles un jour, mais ils peuvent l'être à un autre moment. Et là, il y a des jours, sur 4 Mavrika qu'on a fait Mavrika Live qu'on a fait depuis la reprise après le Covid, il y en a qu'une qui a marché, quoi. Et des fois, ça peut aller du simple au double. Mmh. Donc voilà ce qu'on voudrait. Et on avait aussi passé le message en disant, voilà, les musiciens, vous qui venez dans l'émission Mavrika, venez aussi en tant que spectateur. Et il y en a certains qui nous ont répondu carrément, non, c'est pas notre rôle. Ça veut dire que les gens, ils sont là pour monter sur scène, mais sortis de ça, bah, ils ont pas envie de venir encourager les autres, et ils ont pas envie d'encourager les associations qui les promeut. Donc, ben non, ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher. Il faut savoir que les artistes, je pense que beaucoup d'artistes sont devenus artistes à force d'être fans. Je pense que toi, c'est le cas. Tu nous as cité Indochine, etc. Des groupes qui, Damien 16, des gens qui vous ont donné envie. Donc, chaque musicien est aussi un fan et aussi un spectateur. Et il faut aller aussi encourager les copains. Alors, il y en a qui le font très bien. Moi, je le vois, je sors souvent dans les concerts, je revois les mêmes personnes. Et moi, qui connais les artistes de la région, je sais que beaucoup d'artistes vont encourager d'autres artistes, etc. Donc, voilà, c'est important. Et dans l'émission Maurica, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va continuer l'année prochaine, hein? Il faut le savoir. Hein. Je sais. Parce que au bout d'un moment, on se dit, moi j'ai une équipe que je motive, que j'essaie de faire bouger, etc. Et quand on voit le résultat, je me suis dit, les gens ils commencent à me regarder en me disant, écoute, tu nous racontes un tas de trucs, nous on est là, mais finalement le résultat il est pas là. Donc au bout d'un moment, les gens ils vont me lâcher. Et après, on va pleurer parce que il y a plus. À l'époque, il y avait des Maurica Live. Maintenant, on n'en fait plus. Oui, mais quand on les faisait, il fallait y aller. Voilà, c'est un peu le. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est pas. On va pas critiquer ceux qui sont pas venus, mais c'est un message. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Venez aussi bien pour la radio. Hein, j'ai entendu tout à l'heure Manuel et Lionel qui parlaient en disant voilà, on fait des balles, radio cancel, etc. Donc venez, devenez adhérents et tout ça. Donc ça fait partie. Si on veut que les associations continuent, si on veut que la radio continue, si on veut que les Maverick à live continuent, il faut que les gens se bougent aussi un petit peu et qu'ils aillent. Moi, je t'avouerai, je fais partie d'autres associations. Qui devrait être concurrente, mais non, c'est pas de mes concurrents, parce que les artistes que je fais jouer, ils les font jouer eux aussi. Donc voilà, je fais aussi partie d'autres associations. Je suis pas obligé, je pourrais me dire, non, finalement j'ai la mienne et puis les autres ça m'intéresse pas. Non, je vais voir les copains aussi. Donc voilà, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le geste que tu as fait pour l'association. Bon, on va lancer aussi les adhésions et tout ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton geste, parce que franchement, je m'y attendais pas. Et on a toujours dit beaucoup de bien. Tu es une personne. Moi, les gens, ils m'ont dit, Alex, il est gentil. Même il se fait avoir. Tu vois. On est en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Je crois que tu le sais. Parce qu'il y a des gens comme ça, on dit, il y a des gens, parce qu'ils se rendent pas. Si, je pense qu'ils se rendent compte, mais c'est quelqu'un qui s'est donné et que s'il a pas en retour, la limite, il s'en fout parce que lui, il peut se regarder dans la glace en disant, moi, j'ai pas fait mal aux autres. Si on me fait du mal à moi, en tout cas moi, j'ai toujours essayé de faire le bien. Et voilà, je pense que c'est là-dessus, on se ressemble peut-être un petit peu aussi. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, Albino, 15 ans d'émission. Aujourd'hui, la 665e émission. Et la semaine prochaine avec C'était drôle. Et puis c'est aussi une association qui s'appelle Maverica, et je vous la mettrai en commentaire en dessous. Et pour te remercier pour tout ça, pour tout ce que tu as fait pour les artistes indépendants et pour tout le reste. Et avec mon assistant, c'est lui qui va venir te le remettre. J'ai super un chèque en direct live de 50 euros. Et ça a été filmé en plus pour Didier. D'organiser les concerts et tout ce que tu fais. Merci en tout cas. Et puis on va pouvoir lancer le titre. Je voulais aussi te remercier parce que toi-même, il faut savoir que les artistes, moi quand j'ai lancé le truc, je voulais que les artistes soient rémunérés. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les moyens de les rémunérer. Et tous les artistes qui participent au Maverick Live viennent bénévolement, ils jouent en direct, ils viennent, ils font les balances toute l'après-midi, beaucoup de travail, etc. Et ils jouent bénévolement dans les Maverica Live. Et moi, ce que je voudrais, c'est développer le truc pour qu'on ait assez d'argent pour un jour les défrayer, les payer comme il se doit. Mais pour l'instant, tout le monde est bénévole, personne n'est payé dans les Maverica Live. Et en tout cas, je remercie tous les gens qui me suivent depuis pas mal de temps. Merci beaucoup, Alex, je vais envoyer le morceau tout de suite et puis je vais me tourner vers vous. Je me lève, motive Messenger, un problème, je fais mon grand cœur. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je m'attendais vraiment pas à celle-là. C'est vrai que tu m'avais dit que ce serait une émission spéciale et vraiment, c'est très spécial. Et oui. Merci beaucoup, Alex. Et puis, en tout cas, tu es toujours le bienvenu dans l'émission Mavrica. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et en plus, tu nous fais découvrir ce nouvel album. Je voulais te poser une question. Est-ce que dans l'album, les morceaux seront dans l'ordre qu'on est en train de les passer aujourd'hui? Alors on va pas passer tous les morceaux aujourd'hui, donc voilà, tu as ta réponse. Ouais, mais ils seront à peu près dans l'ordre. Il y a 11 titres, oui, ce sera à peu près un ou deux près, ce serait à peu près comme ça, oui. Il y a 11 titres, mais là je crois qu'on en a vu combien, 4, 5 j'ai pas compté, mais attends, il y a le programme. Alors pour les gens qui nous écoutent, c'était la sixième. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'était la sixième. C'était la sixième. Ouais. C'est ne va pas trop vite. Nous allons 4, voir. 5, oublie pas 6, de dire. Non, 7 déjà. 7. Parce qu'il y avait en prise deux fois. Hein. Voilà, oui, c'était pour ça. Oui. Ah voilà. Donc là, c'était trop donné, et on va voir. Oublie pas de dire, parce que c'est vrai que l'émission passe trop vite. Une nouvelle fois, oublie pas de dire, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait, si vous rappelez, parce que Didier est toujours en notre compagnie. Bonjour Didier. Oui, je suis toujours présent, pas de souci, je vous écoute assidûment. Et je rappelle que nous avons toujours Baptiste aussi à côté de nous, mon garçon de 12 ans bientôt. Voilà, qui apprend la technique en plus, hein. Il s'est intéressé tout à l'heure à la console, etc. Il allait repasser de ton côté, mais pendant un petit moment, il regardait un peu comment ça fonctionne, parce que la radio, c'est un peu impressionnant, il aime bien la radio, il aime beaucoup. Quand les pilotes d'avion, tu sais, ils font venir les gens dans le cockpit, bon, ça se fait de moins en moins, hein. Ça se fait même, ça se fait presque plus, ils sont enfermés. Bon, il y a des raisons aussi. Nous, à la radio, pour l'instant, on n'a pas encore été détournés, hein. Ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours été bien traité par les invités. J'ai toujours aussi on n'a jamais maltraité les invités, en tout cas ça s'est jamais su. On a réussi à les faire taire comme il fallait. C'est une blague. On aime bien aussi, d'ailleurs, quand on prend les photos des émissions, on les fait aussi des deux côtés, c'est-à-dire que les invités sont d'un côté et de l'autre côté il y a la technique, mais pour les besoins de la photo, on aime bien aussi valoriser notre studio et mettre les gens avec les micros comme s'ils étaient l'animateur, et ça fait partie des traditions qu'on fait déjà depuis pas mal de temps. Ça se passe toujours bien et je remercie le Radio Arc-en-Ciel de me permettre de faire ça, parce que c'est vrai que dans certaines radios, peut-être on pourrait pas le faire, on peut pas aller dans les trucs, etc. Donc nous, on respecte tout, hein, comme il faut, on touche à rien, et en attendant on fait des belles photos, donc qui valorisent aussi la radio, hein. Voilà. Donc tu voulais lancer le prochain titre, qui s'appelle Oublie pas de dire. Et donc je disais, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois, il y a pas mal de mois déjà quand même, j'avais fait un post où j'ai dit aux personnes, est-ce que vous voulez qu'on écrive un titre ensemble, et je leur avais lancé cette phrase là, oublie pas de dire. Et j'expliquais qu'en fait, si jamais c'était ton dernier jour aujourd'hui et que moi j'étais la seule personne à côté de toi, est-ce que il y a une chose que t'aurais voulu dire à quelqu'un mais que tu veux pas lui dire puisque tu verras plus personne d'autre? Donc complète-moi cette phrase, oublie pas de dire que. Oh là, c'est vrai que c'est compliqué. Et voilà. Et du coup, ce titre a été créé avec mon public. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il a fallu prendre les phrases et essayer de faire en sorte que ça fasse une histoire. Parce que chacun m'a envoyé des choses sur des parents, sur des amis, sur leurs enfants, sur. Enfin, tu vas écouter les paroles, parce qu'il a fallu mettre ça un petit peu quand même dans l'ordre pour que ça fasse ça fasse une histoire quand même dans cette chose là mais du coup moi je la chante, mais c'est les mots de toute ma communauté, tous les gens qui ont participé sur ce titre là, qui est un titre un petit peu slamé, on va dire, et qui s'appelle Oublie pas de dire. Un jour, je devais m'en aller, partir au loin, mais sans regret. J'aimerais que tu dises pour moi ce que j'ai pensé tout bas. N'oublie pas de dire que les erreurs sont humaines. N'oublie pas de dire que le temps guérit tout. N'oublie pas de dire que l'amour c'est très important. N'oublie pas de dire que t'as été mon épaule, mon écoute. N'oublie pas de dire que mon cœur c'est pas pour tout. On sait pas bien là où je vais, je connaissais jamais. Je serai le petit ange qui veille sur toi. Oublie pas de dire que je penserai toujours à toi. Oublie pas de dire que le temps est précieux, faut en profiter. Oublie pas de dire que c'est jamais trop tard. Oublie pas de dire que la vie est belle malgré les épreuves. Oublie pas de dire qu'un long voyage commence toujours par un premier pas. Une seule étincelle peut tout changer. Oublie pas de dire que je te demande pardon, maman. Oublie pas de dire, ma famille, je vous aime. Je vais m'en aller, partir au loin, sans regret. J'aimerais que tu te dises pour moi ce que j'ai pensé tout bas. Partir au loin, sans regret. J'aimerais que tu te dises pour moi. Dire que c'est la lumière qui fait l'image. Oublie pas de dire que je t'aime comme un artiste. Oublie pas de dire que c'était écrit comme ça. Oublie pas de dire que non, je ne regrette rien. Oublie pas de dire que je te remercie pour la famille qu'on a fondée. Oublie pas de dire que la croyance n'est pas le bien et l'espérance sont l'utopie. Oublie pas de dire que c'est moche de voir ce monde partir en live à cause de valeurs qui n'est plus éduquées et respectées. Oublie pas de dire que j'avais un caractère de merde. J'avais le cœur sur la main, j'étais fidèle en amitié. Oublie pas de dire que je me sens tombé quand je m'avoue à croiser. J'ai savouré chaque instant précieux. Oublie pas de dire que j'ai jamais rien oublié. Mon seul remède, c'était le souvenir de mes enfants. J'avais le cœur recousu d'or. Le cœur recousu d'or. Un jour, je devais m'en aller, partir au loin, mais sans regret. J'aimerais que tu te dises pour moi ce que j'ai pensé tout bas. Partir au loin, mais sans regret. J'aimerais que tu te dises pour moi ce que j'ai pensé. Oublie pas de dire, je veillerai sur toi là-haut. Oublie pas de dire qu'on se retrouvera bientôt. Oublie pas de dire que la mort n'est pas la fin. Oublie pas, ne m'oublie pas. Ils ont bien écrit, hein. Une très belle chanson, en tout cas. Bravo au niveau des... de l'idée déjà, et puis voilà, c'est vrai que ça me rappelle un petit peu, tu sais, les gens qui étaient qui savent qu'il y a une catastrophe, que qui étaient au 11 septembre par exemple, qui ont appelé leur conjoint, leur famille, pour leur dire que voilà, pour leur dire adieu. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on sait pas vraiment ce qu'on voudrait leur dire, parce qu'on a toute une vie, des fois tout un moment de partage dans la vie. Et résumer tout en quelques mots, c'est pas évident. Et il y a des choses plus importantes que d'autres qu'on a envie de dire peut-être au dernier moment. Et tu nous as cité pas mal de choses comme ça. Mais tu vois, pour aller plus loin dans cette chanson, ce qui a été vraiment extraordinaire, c'est que déjà, je dis pas qui a dit quoi, parce que il y a des choses. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont dit des choses, mais qui osent pas les dire et qui veulent pas le dire. Donc elles voulaient que ce soit ancré. Mais sans qu'on sache que donc ça peut venir de quelqu'un, Rome comme n'importe où. Donc on sait pas qui a écrit. Sauf que moi derrière, j'ai passé des heures à discuter avec ces gens-là qui m'ont tous raconté leur histoire. Mm-hmm. Et pourquoi il dit j'ai le cœur recousu d'or, parce qu'il y a une histoire derrière chaque chose et tout. Et je suis le porte-parole de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils n'oseront jamais dire à leurs proches ou aux gens. Et c'est ça qui est encore plus magique, c'est-à-dire que moi je la connais l'histoire derrière ça, je la dis, eux ils l'entendent parce qu'ils savent que c'est d'eux les paroles, parce que ceux qui ont écrit je les ai contactés après en leur disant bah tes paroles seront sur la chanson, hein, donc elle est pas sortie encore celle-là, hein, mais ils savent que, et je leur ai montré l'extrait de la chanson, et mais par contre personne saura que ça vient d'eux et pour qui ils l'ont fait, ils l'ont écrit, mais ça les a libérés un peu comme une thérapie de dire ça, mais sans qu'on sache qu'ils l'ont dit vraiment. Mais c'est pareil, c'est ces mots-là qu'on veut dire finalement, ce qu'ils ont dit dans cette chanson-là, c'est un peu ce que nous on a avec notre propre histoire, envie de dire aussi à d'autres personnes. Et j'ai écrit que le refrain. Moi. Ou alors envie aussi de l'entendre. De la part de quelqu'un qui va nous quitter, qui en est conscient. Donc il y a ces choses-là. Donc et dans la vie de chacun, je sais pas si des fois tu peux te retrouver dans un endroit où il y a plein de gens. et tu vois les gens qui passent, et tu vois le moment, ils sont là en train de passer, ils vont faire le magasin. Mais chaque personne a une histoire. Mmh. Elle a, on sait pas ce qu'elle, d'où elle vient, ça se trouve, elle est en train de passer, elle va dans un magasin, du où elle vit sa vie. En vérité, elle a perdu quelqu'un. Ou alors elle va avoir quelqu'un à l'hôpital. Il faut savoir que la vie n'est pas forcément comme on la voit. Ou alors, au contraire, on disait tout à l'heure, voilà, des gens qu'on croise tous les jours, et c'est des gens mal intentionnés, mais on le sait pas. Ils sont en train de passer, tout simplement. Et la vie, entre ce qu'on voit et ce qu'on arrive à percevoir, c'est complètement différent, des fois. Et des fois, on s'imagine, on imagine un petit peu la place de la personne. On dit, ça se trouve, cette personne, on peut imaginer un tel chose, mais on ne sait pas, en vérité. On n'arrive pas à lire dans les trucs des autres. C'est pour ça que c'est important certains, de leur dire. Certains artistes, certains chanteurs ou chanteuses qui, à travers leur chanson, leurs paroles, font passer le message et les gens se reconnaissent à travers ce message. Je crois que c'est écrit pour eux, alors que c'est pas écrit pour eux. Et voilà, c'est le béaba, je veux dire, de l'écriture du parolier, dans n'importe quel contexte, de faire passer le message et que les gens se l'attribuent. Ouais, et comme là, là, c'est excellent, c'est eux qui ont écrit. Moi, j'ai assemblé, mais Là, c'est encore, encore plus loin. T'as fait une démarche encore plus approfondie. C'est rigolo. En faisant écrire par d'autres personnes, ouais, c'est formidable, en tout cas. Droit d'auteur. Ouais. C'est ça. Très bien. Bon, je pense que après c'est pareil. Les gens qui ont offert ces paroles, ils les ont offert à toi. Donc voilà. Je pense que après les gens qui ont donné les paroles, ils s'attendent une participation. Pas. Ouais, mais ils attendent pas une rémunération en échange. Après. Non, mais je dis le droit d'auteur dans le sens pas qui est-ce qui va toucher le droit d'auteur sur la parole. C'est que. Là, il y a une multitude d'auteurs, en fait. D'autrices, bien sûr. Est-ce que tu vas en citer quelques-uns ou non? Tu vas garder ça comme ça, anonyme. C'était un petit peu le but. Hein. Anonyme aussi bien les personnes qui le disent que les gens à qui c'est adressé. Voilà. Mais comme j'ai dit, je n'écris que le refrain et le « oublie pas de dire ». Et absolument tout le reste, ce sont les gens, les mots pour mots. D'accord. Comme ils l'ont écrit et comme ils me l'ont dit. Donc voilà. Beaucoup plus reposée à l'écoute. Alors, les morceaux qu'on passe aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de les passer dans les prochaines émissions? On va négocier ça hors antenne. C'est-à-dire que là, ce soir, on les passe parce que c'est ton émission, etc. J'ai dans mon disque dur. Je peux les écouter pour chez moi. Oui, mais après, si je veux les rediffuser, il faut que j'ai ton autorisation. Donc forcément. Le problème, c'est que, enfin, pour moi. Là, les morceaux, ils sont enregistrés, ils vont être sur un podcast. Si quelqu'un veut chanter le podcast et récupérer le morceau, il va pouvoir le faire et le rebalancer. Et pour ça, il passera pas par Alex ou par toi ou par qui que ce soit. Ça, c'est le problème de mettre les liens et de mettre les morceaux. Tu vois ce que je veux t'expliquer? Si moi j'étais malveillant ou je voudrais me servir de ça et puis griller par exemple. Oui, mais alors celui qui fait ça, ça veut dire qu'il a bien aimé mes morceaux. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Et je vais te dire que pour 47 ou 48 euros cette année de Spotify que j'ai touché au nombre de streams, il peut le donner à 10 copains. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de centimes de perdu. Non, c'est une façon de. C'est façon de dire, de toute façon, ça sort incessamment sous peu, ça pèse vite les mois, les heures et les mois. Voilà, parce que c'est mine de rien. Voilà. On va continuer avec le titre, parce qu'après il nous en restera un dernier, mais avant on aura un coup de fil, on a quelqu'un qui va nous appeler. On va continuer avec un titre qui, celui-là, je crois, qui sort fin d'année prochaine. Tu vois, pour te donner une idée. C'est mon titre préféré. Et j'ai bien dit mon, tu vois. Moi qui dis pas souvent machin, je le dis. Et pourquoi? Parce que je me suis fait complètement plaisir sur ça. Et là, je suis dans mon ancrage Indochine complet. Vous allez le voir dans la rythmique, dans tout, voilà. Je l'ai envoyé d'ailleurs. Hein, je l'ai envoyé à Boris Jardel, une guitariste d'Indochine avec qui je suis en contact. Et il m'a pas répondu encore, mais ouais, je l'aurais envoyé, je l'aurais dit. Vous avez vu celui-là, il est cadeau là. Vous ne le piquez pas, c'est moi qui l'ai écrit. Je suis le futur Guégan, mais j'attends que Indochine se marre. Non, on dit pas ça. Et c'est, non, non, c'est vraiment, par contre, je me suis fait plaisir sur celui-là. J'adore la rythmique, les tout en fait. Tout. Donc le morceau s'appelle Qui sent toi. Donc le morceau très inspiré à Indochine, comme tu disais, Alex. Ouais, à la limite, Nicolas pourrait très bien chanter la même chanson. Oui, sans toi, une très belle chanson, très rythmée, qui donne envie de bouger dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a aussi quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être avec vous et puis d'être avec Alex surtout. Salut. Salut Cyril. Alors j'ai rien dit encore. Ouais, moi c'était une surprise pour moi. C'est ça. Et puis vous allez voir parce qu'elle a plein de choses après à vous dire aussi parce qu'elle organise un festival. Elle va vous faire sa promo. Mais d'accord. On est là pour ça de toute façon. Hein. Je coupe juste une seconde parce que du coup et c'est aussi pour féliciter son travail qu'il faut qu'elle intervienne un petit peu. Et ça je vous l'ai pas dit depuis le début de l'émission que je vous avais dit. dit que les trois albums étaient la finalité de ses 5 ans. Et Didier va rigoler parce qu'il m'en a parlé il n'y a pas longtemps et j'ai rien dit, mais moi je le savais. Et la finalité de ça, c'était d'écrire mon histoire depuis mes débuts avec Indochine jusqu'à ce troisième album et Cyrielle. Et en fait, la personne qui a fait tout ce qui est relecture, etc., de ce livre et qui a fait des annotations, enfin pour la plein de choses, elle va mieux expliquer que moi et ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît aussi surtout sur ça. C'est à toi, ma Cyrielle, de te vendre. Alors oui, en effet, avec Alex, ça fait un petit moment qu'on se connaît. En fait, moi, je l'avais connu dans un cadre où on avait participé à un événement qui avait lieu autour de chez moi en faveur des personnes en situation de handicap. Et il était venu en fait chanter des petits morceaux et puis il se trouve que mon papa le connaissait d'avant. Et moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore. Et puis on attends, ma Cyrielle, il faut que tu dises Albino. Ouais, qui est ton papa et d'où il m'a connu, parce que Albino va savoir. Justement, alors pourquoi je parle de mon père, c'est parce qu'en fait on a créé un festival de musique à Vatans dans l'Indre qui s'appelle Le Retour du Son, et j'ai créé ça avec mon père en 2018 et alors il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par chez nous, dont Alex justement, à la suite de notre rencontre. Et voilà. Et ton père, il m'avait rencontré. Tu te rappelles de ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et, son père m'avait rencontré à la première partie. Et finalement, il se trouve qu'Alex et moi, on est devenus amis. Et puis, il m'a parlé de son projet d'écrire un livre. Et comme je sais que c'est une personne très humaine, je pensais bien que son projet était justement... à la fois montrer qui il était et surtout aider tout le monde en fait à travers ce qu'il raconte autour de la musique et c'est vrai que je le comprends parce que c'est vrai que c'est mon cas aussi pour le coup. La musique, elle m'a sauvée de pas mal de choses. Et je pense qu'Alex et moi, on a ça en commun. Donc c'est pour ça que quand il m'a parlé de son projet de livre, j'ai été ravie de pouvoir y contribuer. Et puis pour l'avoir lu en long, en long, en travers, je peux vous assurer que les gens qui vont le découvrir, ils vont être absolument ravis. Voilà. Très bien, ça ne me donne pas parce que Alex, on sait que c'est une très bonne personne. On l'a toujours tellement apprécié. Et je vois que toi, c'est pareil. Tu as tout de suite compris que c'était une personne avec laquelle tu avais envie de travailler, simplement parce qu'il est très humain et il est dans le partage. Et puis je crois qu'au-delà de ça, c'est même pas qu'une question de travail, parce que je pense qu'il y a parfois certaines rencontres où ça va au-delà de ça. Et je pense que Alex et moi, on peut le dire, on est devenus vraiment amis. Et en plus, il s'avère que pareil, mon frère est aussi dans le milieu de la musique, il l'a aussi beaucoup aidé. Je pense qu'ils ont eu aussi beaucoup d'échanges très importants. Donc, je pense que ça fait partie des rencontres qu'on n'oublie pas, ça c'est sûr. Très bien, tu veux répondre quelque chose, Alex? Oui, donc je disais bonsoir Cyrielle. Parce que donc c'est là c'est une grande déclaration. Mieux, explique-nous mieux, ma Cyrielle, en quoi consiste ton travail là et qu'on peut te retrouver si on veut te contacter. Oui. Ok, je suis pas très douée pour faire la promo. moi je suis relectrice-correctrice. J'ai été professeure de français, puis je me suis redirigée vers l'auto-entrepreneuriat, donc je suis relectrice-correctrice. J'écris aussi des livres, hein, à mes heures perdues. Je propose mes services à travers les réseaux sociaux et puis tout simplement par mail aussi, hein, pour ceux qui veulent publier leur livre ou leur thèse ou leur mémoire ou beaucoup de choses à travers les écrits finalement. D'accord. Donc voilà. Cyrielle, Bonsoir, c'est Didier. Je connais très bien Alex, puisque c'est lui qui m'a. Enfin, c'est Didier, pas dans le film. Voilà, c'est pas Didier le chien dans le film. Non, c'est Didier, non pas Lia non plus, mais c'est Didier en réel. Voilà, je travaille en chronique avec Albino, et je suis moi-même animateur sur la radio Arc-en-Ciel depuis peu, et je suis aussi auteur de livres, dont le dernier qui est un livre sur la musique, qui s'appelle En avant la musique entre passion et business, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir la préface signée par Alex. Et comme je suis donc animateur et que je vois que tu as besoin et que tu enfin, dans ta parole, on sent très bien ton désir et le plaisir d'être avec nous. Moi, je vais te faire une proposition honnête. Est-ce que j'ai une émission qui est le jeudi après-midi? On parle un petit peu de tout. Alors déjà jeudi prochain, bah, si tu peux l'écouter, ça tombera bien parce que c'est une émission qui va être faite sur le thème de l'écriture. Donc je vais avoir des auteurs de livres et des éditeurs qui seront présents. Donc j'aurai quatre invités. Super. Et moi, ce que je voulais te proposer, je vais le faire devant la communauté de Mavrika, c'était de t'offrir un de mes livres, mon livre, qu'on va te préfacer, enfin qu'on va te signer tous les trois. Et ce que je te propose, plutôt que de te l'envoyer, c'est que tu viennes le chercher à la radio. Ah ben, ce serait super cool. En effet, ouais, j'aimerais beaucoup. Je sais pas, je vois Alex qui fait beaucoup des grimaces. Non, ça n'a rien à voir. Ah, je suis en train de griller quelque chose là. Je sens que ça sent cramé. Ah, pardon. Non. Non, ah bon, absolument pas. Non, l'idée sur autre chose. J'ai eu peur. Oui, d'accord. Non, donc voilà, c'était donc de t'inviter. Je vous coupe, merci beaucoup. J'ai reçu un message ce soir. Vous avez Patrick qui est mon père et qui nous écoute depuis Vichy. Un gros bisou à toi, papa. Vas-y, dis. Super. Voilà. Alors, gros bisou à papa. Alors, donc voilà, c'est de t'inviter. On verra ça en off hors ligne, bien sûr. Enfin, hors fréquence. Bah, ce serait super. C'est vraiment super gentil. J'accepte avec plaisir. Et je te ferai. Une émission, on discutera de ça un petit peu plus tard. Okay, dans le début 2025, parce que je suis assez chargé jusqu'au mois de février, là, fin février, mai-mars, mais ça va se faire et on pourra parler. Eh ben avec plaisir, en plus. Ben voilà, gardez le contact et puis on vous organise voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Je te remercie pour le passage. Voilà. Ouais, ben merci voilà. À toi. C'est aussi mon côté grand cœur. Ouais, et puis dans l'émission Mavrika, on aime bien justement mettre en relation les personnes, et puis là, c'est une fois de plus le cas, donc très bien. Voilà, elle est tellement humaine et tellement gentille. Ton mail, et là, ce que tu viens de faire aussi pour Alex, et ben voilà, on ne peut que te dire merci. La façon de te remercier, ben, c'est. Ah ben, c'est moi, ça a été avec plaisir, hein. Franchement, en plus, c'est vrai que ça fait quand même depuis 5 ans que je suis relectrice, et puis pour moi la musique c'est très très très important, à tel point que je disais tout à l'heure que j'avais écrit moi-même, et justement mon dernier livre porte sur ça, justement a été préfacé par Mike Danka de Cintimilia. Forcément, quand Alex m'a parlé de son projet, j'ai dit oui tout de suite, hein. C'était okay, bah, comme ça tu pourras voir mes fautes de syntaxe et mes fautes d'orthographe aussi. Je pense pas que ça arrive. Ah, hein, si, mais, tu sais, dans l'écriture, on en fait, on peut se faire lire et relire. Il y a toujours des coquilles, hein. Voilà. Bah écoute, je repasse quand même, c'est le micro est pour Alex ce soir, il lui reste. Il est bon, c'est rien, il faut qu'elle fasse sa promo. Voilà. Moi, je suis complètement fan. Voilà. Parce qu'elle a fait un travail d'une rapidité incroyable et d'un professionnalisme. Allez-y, les yeux fermés, quoi. Ok, voilà. L'invitation est lancée, elle est prise et on bloque une date, alors. Eh ben, écoutez, avec plaisir, en tout cas, puis, Alex, c'est surtout à moi de te remercier parce que, c'est toi qui m'as proposé. De me lancer là-dedans, donc moi j'étais très contente de lire tout ça, en plus ça m'a permis de te connaître encore plus, et voilà, moi c'était un peu aussi le but de la chose, et en même temps j'ai pas du tout été surprise quand j'ai lu ton livre, on te reconnaît bien, c'est toujours dans l'humanité et tout, donc je pense que c'est vachement important, hein. C'est gentil, merci. Je sais même pas quoi dire, en fait. Merci beaucoup. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Enfin, en plus, tu sais bien, je te le dis souvent, mais C'est je pense qu'aujourd'hui on a besoin de gens comme ça qui parlent avec le cœur et notamment je pense que la musique c'est un bon vecteur pour ça. Je pense que ça sauve beaucoup de gens et on oublie. Il faut vivre de positivité. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, je regardais une vidéo là il y a pas longtemps. C'est Kinvey qui parle de ça. Il explique comment il est sorti de sa dépression. Vous savez comment il est sorti de sa dépression? Il expliquait que ça a mis du temps avant de pouvoir se faire, mais il s'est parlé à lui-même. Et il s'est dit, tous les jours devant le miroir, t'es une belle personne, tu vas y arriver, etc., etc., etc. Et c'est ça qui l'a sorti de sa grosse dépression qu'il avait pendant des années. Tout et pourtant, ses chansons, là, le reflet qu'on a de lui, c'est quelqu'un de joyeux, quoi, finalement. Et en vérité, non, il est quelqu'un qui souffre intérieurement. Et donc, il l'a dit, il peut y avoir un million de choses, des médicaments, des ceci, cela, mais si dans notre tête, déjà, on se dit pas ça va aller, ou c'est beau, ou ça me plaît, etc., on n'arrivera pas à avancer, en fait. Ouais, donc, il faut essayer. C'est pas facile, mais il faut essayer d'être le plus positif possible et dans l'entraide aussi avec les autres. Je vais te recouper juste sur un mot que moi, personnellement, je n'aime pas dans le vocabulaire. Enfin, je n'apprécie pas. Enfin, je n'apprécie pas. Je fais avec, mais c'est le mot essayer. Parce que essayer, c'est pour moi, dans mon analyse, c'est de se donner toujours la possibilité de ne pas réussir. Donc je vais le faire. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Je n'essaie pas. Il faut se donner un ordre. On se donne toujours une chance. On dit, ouais, je vais essayer, mais j'ai essayé, tu vois. Et c'est non, je vais le faire, je le fais. Et voilà. Mais essayer, c'est un mot qui, dans mon langage, est en général verbotène. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que ceux qui ont essayé, ceux qui ont essayé, ils ont soit réussi ou soit ils ont eu un échec, ils ont appris. Voilà. Par contre, tous les autres, c'est ceux qui n'ont pas essayé. Et c'est ceux-là qui sont les pires. Tenter. Enfin voilà, on va pas philosopher sur les mots. Quand tu peux dire j'ai essayé, ça veut dire que t'as voulu faire quelque chose et les autres n'ont pas essayé. J'ai une phrase qui est Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc, du moment où tu te dis, je vais y arriver, déjà, tu te lances en revenir. Tu te donnes toutes les chances pour le faire. Voilà, tout à fait. Enfin. Mais enfin, il y a des fois, malgré tout ça, malgré toute la volonté, tout ça, malgré qu'on fait des choses depuis des années, on n'a pas le résultat qu'on aurait voulu avoir. Et des fois, on est un petit peu amer à cause de ça. Mais bon, la vie continue. Et il y a une chose qu'on pourra se dire, j'avais dit, on peut se regarder dans la glace en disant, voilà, moi, en tout cas, je l'ai fait. Si ça n'a pas fonctionné, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Oui, voilà. Et voilà, donc je regrette pas d'avoir tenté. Voilà. Donc je dis pas essayer, j'ai dit tenter. Est-ce que je peux faire une petite annonce aussi? Parce que tout à l'heure on parlait de Dominique Dussault et Dominique a aussi un projet qui s'appelle Les Beaux Parleurs. C'est le chanteur de Rascasse. Il a aussi un projet Les Beaux Parleurs que j'ai eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils m'ont fait des lives super bien avec de l'accordéon, etc. Et justement, il me demande de passer un petit message parce qu'on est là pour faire la promotion des artistes. Et il y aura donc à Darvois, le vendredi 12 décembre, grande balade nocturne. Donc, il y a une grande fête, etc. Sur deux jours, c'est le vendredi 12 décembre et le samedi 13 décembre. Donc, eux, ils interviennent le 13 décembre, donc à partir de 20h, concert des Beaux Parleurs. Donc, les Beaux Parleurs, je me rapproche un petit peu parce que c'est écrit en tout petit. Les Beaux Parleurs sont un duo originaire du Loiret, composé de Dominique, chanteur, guitariste, et de Cédric, chant, percussion et accordéon. Alors là, moi j'ai eu la chance de les avoir ici, je peux vous dire que franchement, ils reprennent des chansons françaises, ils les déménagent. Ah, ça déménage et c'est des chansons que tout le monde connaît, donc on a envie de les interpréter avec eux et ils ont énormément de talent, donc je vous encourage à aller les voir. Et en plus mercredi 17 ils seront à la taverne Place de la Loire, donc c'est Orléans, de 19h30 à 22h. Donc voilà le message à passer. Et Dominique, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi, donc c'est tout à fait normal qu'on parle de ça. Voilà, et moi j'ai juste un message à te faire passer. Je sais pas si tu l'as eu, mais je l'ai reçu aussi de la part de notre ami Florent Amigo. Florent, oui, je l'ai, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Donc coucou Florent, merci pour ton travail en podcast, parce que tu es hyper rapide et tu vois, hier soir, tu m'as fait le podcast, tu m'as envoyé cette nuit ce matin aux aurores, je l'avais. Il est phénoménal. En plus, il est plein de bon élan. Et là, il te dit simplement, vous pouvez dépasser sans problème ce soir. Je suis Opel. Oui, je l'ai aussi. Et il y a voilà. aussi un message audio que j'ai pas eu le temps d'écouter tout à l'heure. Oui, parce qu'il voudrait qu'on fasse quelque chose après. On peut le diffuser ou le message audio, je crois que c'est pour le. Il voudrait qu'on fasse une voix off pour un projet qu'il a. Oui, d'accord. Mais ça, ouais. c'est prévu. C'est vrai prévu. Que j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On fait notre soupe. Oui, ça, je vois ça. Voilà. Mais on va dépasser parce qu'on a l'autorisation de Florent. Alors en principe, Radio Arc-en-Ciel nous laisse dépasser un petit peu, mais des fois, Florent ne peut pas enregistrer l'émission jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il va pouvoir rester un peu plus longtemps. J'ai donc, si on dépasse de quelques minutes, c'est pas bien grave. L'important, c'est qu'on nous dise ce qu'on a envie de dire. Et donc, on va redonner la parole à Cyrielle, hein, celle qui nous a appelé. D'autres choses à rajouter Alors, en tous les cas, moi, j'ai hâte de savoir un petit peu comment le public va accueillir le livre d'Alex. Parce que je pense que ça, enfin voilà, ça allie deux choses très importantes. C'est la parole à travers l'écrit et puis justement le fait de montrer que la musique c'est pas juste du bruit et qu'il y a des émotions qui sont partagées par tous et voilà, moi j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler un petit peu et voilà. Je peux te poser une question, si c'est pas trop indiscret, ou en même temps je vais la poser à Alex. Non, donc, on n'en a plus. Non, tu veux pas répondre. Bon, je vais essayer de te convaincre alors. Vous le faites sortir comment, en éditeur ou en auto-éditeur? En auto-édition. En auto-édition? Oui. Ok, et t'as une date? Oui. J'ai pas entendu tout à l'heure. 2028. Si ah, ça va. Ah ouais, 2028. On a le temps, alors. Parce que le dernier titre de l'album qui sort sera en décembre 2027. D'accord. Parce que si je sors mes morceaux tout de suite, je n'existe plus dans 2 mois. D'accord. Donc il faut que, il faut que je sorte mes morceaux pour tenir et avoir de l'actualité. Non, c'est d'accord. Et voilà, le livre sera en 2028, mais il sera en vente. 2027. Il sera en vente là, dans un mois ou deux. D'accord. À la sortie de mes concerts, mais j'en ferai ni la promo ni rien en fait. Il sera pas avant 2028, mais ouais, tu les vends entre parenthèses en off. C'est ça. Tu m'en réserves. Oui, bah ça, il va falloir qu'on l'ait dans notre collection quand même. Ah. Ouais, bah toi, le bidon, je te le ferai à 60 euros, tiens. 60 euros. Ah, allez, comme ça, tu récupères le merveilleux. Merci. Voilà. Bah, tu sais qu'on fait pas pour rien les choses. Voilà. C'est très bien. On n'est pas bête. Très bien. OK. Il n'y a pas de souci. Donc, cette émission, elle est payante, hein. Il faut le savoir. Les artistes qui viennent ici, payent. C'est pour ça que moi, je roule en grosse voiture. Je plaisante. Non, les gens qui viennent ici ne payent absolument rien. On les reçoit avec beaucoup de plaisir. Et c'est justement le partage, c'est ce qui nous réunit. C'est ça, c'est le plus important. Et de voir, tiens, je regarde, tu vois, sur le Facebook, des belles personnes que j'ai reçues encore là en concert, le groupe Jache. Je sais pas si vous les connaissez, si vous avez l'occasion de les voir. Plein de gens comme ça que je reçois. Et c'est mon bonheur. Tiens, je vois un petit réel aussi avec une personne, tiens, qui me rappelle quelque chose. Il a une casquette bien particulière. Ouais, donc ça c'est un petit réel qui a été partagé tout à l'heure aussi. Bon, il y a plein de gens comme ça. Tiens, je regarde Freddy Miller qui était déjà venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques années. Donc un des plus grands bluesman français, quand même, il faut le dire. Hein, si ce n'est le plus gros actuellement. En tout cas, plein de gens comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer dans l'émission Mavrika. C'est vraiment le plaisir. Hein. Faut savoir que sur la radio, on est tous des bénévoles, hein. Tous les animateurs sont bénévoles, on est une radio associative, on fait ça avec notre cœur, on fait ça comme on peut, hein, pour le mieux, et on peut se dire aussi qu'on fait ce que les autres ne sont plus capables de faire aussi quelque part, parce qu'on arrive à le faire ça avec notre cœur, on fait avec ce qu'on a envie d'exprimer, et on est guidé par personne, quoi, finalement, on fait ce qu'on veut. Merci Radio Arc-en-Ciel. C'est quoi de... Pour passer le règle de... Ah, d'accord, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va voir ça. Donc, je fais ça tout ça à la bourre, hein. En direct live. On va écouter donc notre ami Florent. Un petit coup de Florent Migo et des auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et sans oublier les auditeurs de Mavrika et les fans d'Alex Le Bail. Bonne émission. Voilà, en tout cas, il nous fait des petits messages comme ça audio, ça fait vraiment plaisir. Alors, Florent, c'est vrai que il m'arrive des fois dans la fin de l'émission, je dis, mince, je vais pas remercier Florent. Dans 90% des cas, quand même, je le remercie parce que c'est quelqu'un qui même s'il est pas dans les studios, il fait partie de l'équipe Mavrica, et pas seulement, hein, c'est, il est là derrière tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Donc c'est quelqu'un qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous fait les podcasts, et il est vraiment très impliqué dans ce qu'il fait, et il le fait avec son cœur. On voit qu'il aime les émissions, il aime les animateurs, il écoute tout ce qui se fait. Alors Florent, comme son nom, son prénom ne l'indique pas forcément, il aime aussi la culture portugaise parce qu'il est aussi d'origine portugaise, et donc il écoute les émissions portugaises, il discute avec les gens, il leur parle même des fois des messages que je vois avec des mots en portugais. Donc Florent, c'est quelqu'un de très important pour la radio, et à chaque fois, c'est un plaisir de le voir. Je sais que je l'ai rencontré il y a pas très longtemps dans la salle en bas où il était venu, et régulièrement on arrive à se voir, et des fois on soupe un petit peu parce qu'il y a des fêtes, lui des fois moi je suis le samedi, lui il vient le dimanche, mais bon, on échange toujours heureusement grâce aux réseaux sociaux. Et donc je voulais remercier une fois de plus notre ami Florent, qui est une personne très importante et qui nous montre tous les jours. Il fait ça avec son cœur lui aussi, parce qu'il est absolument pas payé, c'est vraiment il est comme les autres, un bénévole. Voilà. Voilà, un petit message. Vous avez autre chose à enchaîner dessus? Ça va, Cyrielle? Oui, ça va, ça va. Cyrielle nous écoute aussi, elle dit, ouais, purée, on est entouré de bonnes personnes. Cyrielle, tu es dans le département limitrophe, je pense, si j'ai bien entendu. Alors, voilà, je vous disais tout à l'heure que j'avais créé un festival de musique avec mon père. Oui, j'ai entendu. Donc, oui. Ce festival, il a lieu dans l'Indre, donc à Vaton, dans le 36, voilà. D'accord. Eh ben, tu peux nous faire un petit coucou communautaire de la part du département 36, parce qu'on est en train de lancer un petit sondage de nos auditeurs, auditrices en France, et on demande à tous les auditeurs et les auditrices qui veulent bien jouer le jeu de nous mettre un petit arrobase avec leur département d'où ils nous écoutent. Bah d'accord, ouais. Ouais, mais simplement communautaire ou follow, parce que bon, je sais que Alex n'aime pas le mot follower, il préfère le mot communautaire. Donc voilà, ouais, petit arrobase commu et le code postal de ta commune, voilà. Parce que là, en attendant, un petit coucou, merci à 45450 Matt Marty, Nathalie qui est dans le 41-110. Ouais. Une nouvelle amie de l'émission de Mavrica, Nathalie, cette semaine. Jessica qui connaît aussi, l'album parce qu'elle m'a acheté l'album. D'accord, donc voilà. Et j'ai vu aussi, elle appréciait beaucoup la musique, etc. Matt Marty, c'est une personne qu'on a reçue avec la tournée du Baron, voilà tout à bassiste fait. Qui est déjà venu avec plusieurs projets différents. On a ici. Donc Stéphane Lemoine, 45-770, et puis on a aussi Jessica Rockwell qui est dans le 4500. Elle a dû oublier un zéro, soit-elle plutôt le 45000 Orléans. Ah ouais, ça merci, 45 000, puis bon, il y en a d'autres. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Merci 45-00, à vous. Voilà. C'est 45000, voilà, elle est d'Orléans. La portée de l'audimat de nos émissions. Voilà. Très bien. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont répondu. Alors n'hésitez pas, parce qu'il y a plein de gens qui regardent, mais ils répondent pas. Ou alors ils n'ont pas envie de s'impliquer, ou alors ils se disent c'est pas nécessaire. Mais si, on compte sur vous. C'est comme dans les concerts. On a vu les live, c'est pareil. Bon, allez, stop. Voilà. Là, on est en train de dépasser pas mal. Hein. Donc, on arrive à la fin de cette émission bientôt. Hein. Encore plein de choses à rajouter, Alex? Oui, deux, trois trucs. Ouais. Merci encore, ma Cyrielle, en tout cas. Merci, de rien, avec plaisir. Merci beaucoup, merci. Cyrielle, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci à vous. Allez, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne écoute. Voilà, donc c'était Cyrielle, ça nous fait plaisir, hein, donc d'avoir des intervenants. Elle parce que en plus c'est des surprises, parce que moi je monte le téléphone, je sais pas qui c'est qui est là, c'est un peu compliqué, mais bon. On devait avoir deux trois autres surprises, mais ils s'en excusent, ils ont pas pu être là ce soir, mais bon, j'ai une pensée quand même pour eux. Dessus. Tu veux qu'on s'écoute le dernier morceau après? Oui, il est déjà calé, donc c'est merci. Ça. Alors c'est Baptiste qui va nous le présenter. Mais je fais juste un petit mot, parce que je sais que toi après ce morceau-là, t'auras ton mot de la fin. Donc je me fais mon petit mot de la fin à moi. Non, non, mais après, si, après, parce je redonne la parole. Mais non, mais t'as ton ta devise, tes machins. Ouais, et tout, bon, de, ça c'est du petit truc d'habitude. Fin, voilà, c'est pour fidéliser les gens qui. Comme ça, je sais aussi quand. Tiens, toi, tu es venu dans l'émission et tu me dis voilà, tu connais le rituel. Mais il y en a certains qui viennent et j'ai l'impression qu'ils découvrent. Ça veut dire qu'ils écoutent pas toujours et qu'ils écoutent de même jamais. Certains ils passent ici sans jamais écouter. Et il y en a d'autres qui écoutent régulièrement. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui sont intervenus sur le Facebook. Je vois qu'il y a pas mal de petits commentaires de plein de. Tiens, on va les citer tout simplement parce que ça c'est important aussi de savoir qui nous met des petits commentaires. C'est des gens qu'on connaît tout simplement. Alors je remonte un petit peu. Voilà. Donc Claire. Claire du groupe Recto Verso, la bassiste aussi de Deep Turtle, Cédric, Cédric c'est le guitariste de Rascas, voilà, Géraldine de Last Magic Doors qu'on a découvert cette année, un super groupe que j'ai envie de voir sur scène que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, Antoine Gauthier, c'est le guitariste du groupe Red Daff, voilà, on lui fait un gros coucou, Wilfried c'est le bassiste de Rascas, tout simplement. Dominique, c'est le chanteur de Rascas et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chanteur des Beaux Parleurs, voilà, avec Cédric, voilà, j'ai rien oublié. Donc on a fait sa petite promo aussi tout à l'heure. Donc voilà des gens. Et après, si on regarde aussi dans tous les gens qui ont mis des petits pouces ou des petits cœurs, hein, ça c'est important aussi. J'essaie de voir, mais ça répond pas à la vitesse que je voudrais. Donc, y a plein de gens. Il y a Nathalie Foya, on en a parlé tout à l'heure. Alexandre, qui est le guitariste du groupe BRS, qui n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle Oscle. Voilà, donc Oscle, on a passé un morceau tout à l'heure. Stéphanie, qui est aussi la deuxième, je sais plus si c'est Recto ou Verso du groupe avec Claire, donc Wilfried, Mélie-Anne, qui est la chanteuse, c'est Céline, la chanteuse du groupe BRS et Oscle aussi. Claire, bon, à nouveau. Pascal, du groupe des Uncle Bikers. Léo Bénard, du groupe comment il s'appelle, Chris et Léo, voilà, et aussi du groupe Barricade, Géraldine de Last Magic Doors, Fabien que j'ai rencontré que j'ai rencontré la semaine dernière, qui fait partie du groupe Drive to Amnesia, Alexandre Lebaille qui je connais pas celui-là, Yann Iridium, voilà, c'est aussi un artiste, un guitariste chanteur, Eric c'est un écrivain, Eric Duval, Gwen tu seras là il sera jeudi prochain d'ailleurs. Ouais, normalement je suis là. Donc, il me regarde. Si j'ai pas de rendez-vous là, j'ai eu un empêchement là, je pouvais pas faire autrement. Gwen aussi qui était le chanteur, batteur du groupe Twister Cover que nous avons reçu la semaine dernière. Vlad Piton, c'est aussi un artiste, un groupe qui s'appelle comme ça. Pierre Donroenlo, un artiste aussi de la région de Bordeaux, Nicolas Domer qui est le bassiste des Twister Cover, Paul Sigaud qui est le chanteur, le guitariste de Rapade, Hervé Vévouille qui est le batteur de plusieurs groupes, hein, il est venu avec plusieurs groupes différents, Cédric qui est le guitariste de Rascas, là j'ai une personne que je connais pas, c'est la première, et Christophe qui est le chanteur de Barricade, voilà, donc tous les gens qui sont intervenus, je regarde aussi les petits cœurs, donc aussi les mêmes personnes, donc voilà tous les gens, je peux me vanter d'avoir parmi les auditeurs quand même, et les followers. La plupart sont des artistes, donc il faut que les artistes viennent encourager les autres artistes. Et puis après, c'est pareil, si on veut que ça continue, parce que à chaque fois qu'on demande aux gens de venir jouer dans les mains bricolages, j'ai au moins 40 propositions. Et si les 40 personnes qui se sont proposées et qui n'ont pas été sélectionnées venaient quand même pour applaudir les autres, ils auraient plus de chances de jouer dans les prochaines éditions. Oui, oui. Voilà. Et malheureusement, non, ça se fait pas toujours. Donc voilà. Très bien, voilà, donc on a fait un petit récapitulatif de tous les gens, et puis je vois que ça continue d'arriver, les petits messages et tout ça, donc ça nous fait plaisir de savoir, donc c'est, voilà. Autre chose à rajouter ? Ouais, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On n'arrive pas à conclure l'émission, là. On dépasse. C'est ça. On dépasse. C'est ça. Deux choses. D'abord, la première, merci beaucoup, Albino, comme d'habitude, pour ton accueil. Merci à Didier aussi, qui a été là ce soir, et qui fait son reportage aussi un petit peu dans les coulisses. Etc. C'est mon binôme maintenant, hein. C'est vrai que. C'est ça. Vraiment un grand merci du fond du cœur pour l'accueil, la gentillesse, les mots et tout ce que tu sais, de toute façon, et tout ce que je t'ai dit aussi tout à l'heure. Oui, je vous ai dit. Et en plus, c'est un truc, c'est qu'on se contacte de temps en temps, on partage des choses et tout ça. Et ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, parce qu'on n'a pas toujours, on a tous une vie, on a des choses à préparer, des choses comme ça. Et merci aussi pour ta dernière invitation où j'ai pas pu venir parce que j'avais quelque chose de prévu. Mais en attendant, tu vois, on a toujours une pensée l'un pour l'autre. Et puis toujours un plaisir de te recevoir. Donc si ça se fait pas dans le studio prochainement, j'espère te retrouver ailleurs et puis partager quelque chose de différent. Voilà, même tu passes à la maison, il y a pas de souci. Avec plaisir. La porte est grande ouverte. Donc, voilà. Donc le 11 avril, concert de sortie d'album à Orléans, à la Maison des Arts et de la Musique. Demain, pour ceux qui veulent, je suis à Nantes, mais bon, je pense que vous ferez un peu loin d'Orléans. Oui, et la semaine prochaine, d'Orléans, on va rarement ailleurs pour le voir. On attend qu'il revienne. La semaine prochaine, Normandie, et puis Nantes encore, et puis après c'est complet pour la fin d'année. Donc on verra 2026. Là où il restera des places. Et puis avant de laisser Baptiste annoncer le dernier truc, je voulais juste redire, parce que ça faisait partie du thème de cette émission, moi Alvino, que je m'appelle Alex Le Bail. J'ai fait 3 albums. J'ai commencé par une chanson qui était jouée à ma fenêtre, où j'étais rien, j'étais personne. Et grâce à l'aide des gens, sans maison de disque, sans label, juste à la force de mes tripes, de ce que j'avais à dire, et pour prouver... et à mes proches, et aussi à tous les gens qui écoutent, mais pas à moi-même, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rien à me prouver à moi-même. Pour prouver aux autres que c'était possible de réussir, si on veut être chanteur, youtubeur, influenceur, animateur radio, pilote de chasse, peu importe ce qu'on veut faire, si on s'en donne les moyens, on y arrive. Aujourd'hui, je suis le Alex Le Bail qui avait sa guitare, et qui cette année a fait un concert devant plus de 5000 personnes, et passé 3 fois sur Énergie France, RTL, Albino aussi avec Radio Arc-en-Ciel bien évidemment, et c'est aussi important dans les émissions de télé. Je connais des gens que j'aurais jamais pensé connaître, j'ai vécu des expériences que j'aurais jamais pensé vivre, j'ai profité aussi d'invités pour vivre des expériences avec les gens, avec le public et ceux qui me suivent. Alors croyez en vous, et tant qu'il y aura des gens à soigner, j'aurai des chansons à écrire. Super, merci en tout cas Alex pour cette conclusion, parce que franchement on te reconnaît bien dans ce que tu viens de nous dire et tout ça, et donc voilà, on a besoin les uns des autres, et c'est pas en se tirant dans les pattes les uns les autres qu'on arrive à progresser. Ce qu'il faut, c'est s'entraider, et puis on a toujours besoin à un moment ou à un autre d'une autre personne. Donc il faut jamais tourner le dos à quelqu'un, il faut toujours continuer de le suivre. On sait que la vie, c'est pas toujours évident, on peut pas être partout au même temps, mais il faut de temps en temps revenir vers les gens qui nous ont fait confiance dès le départ et qui nous ont aidés. Voilà, même un petit truc de rien du tout, juste une petite courte échelle au moment où il fallait franchir une petite barrière, il faut pas les oublier, ça c'est très important. Et ça c'est le côté humain, et je sais que tu es une personne sensible, ça se voit. Un petit peu. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des gens, on parlait tout à l'heure de Kim V qui était dépressif. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont insensibles, eux, ils sont pas en dépression. Hein. Les gens qui souffrent justement du mal qu'ils ont pu faire, c'est des gens qui sont sensibles, oui. Tout simplement. Voilà. Donc, mais tu vois, je rebondis sur le truc là des followers, communautés, ouais. De machin et tout. Parce que souvent on me dit, quand tu peux aller regarder hein, sur toutes mes publications, sur tous les réseaux, je n'ai pas de haters. J'ai personne qui vient me balancer des trucs de c'est pourri ce que tu fais, c'est ceci, c'est cela. Et de toute façon, après, à chaque fois, j'explique aux gens que il vaut mieux perdre du temps à aller dire aux gens que vous les aimez plutôt que... Ouais, bon, oui, ça, il vaut mieux... Voilà, je crois qu'on on a ignore. Interférence avec ton, on les, ton casque. On les ignore, ouais. Et du coup, c'est pour ça la différence entre tu vois le follower et la communauté, c'est-à-dire que le follower, c'est une personne qui s'est dit, tiens, j'aime bien, je mets un truc comme quoi je suis... Et puis quand il tombe sur une publication, il va dire « ouais, c'est nul, c'est machin », alors que la communauté, c'est vraiment pour moi quelque chose qu'on a construit ensemble. Donc c'est pas Alex, en fait, c'est nous tous, voilà ce qu'on a réussi à faire et à porter ensemble. Et c'est aussi une force, je pense, que j'ai et qui me fait continuer, c'est que tous les jours, quand je me lève, j'ai que des... Voilà, on a eu une épreuve là, qui s'est passée avec Baptiste, hein. On n'en a pas parlé ce soir et c'était pas le but de ça. Et quelque chose qui me touche beaucoup sur les animaux, et tu sais la valeur que j'ai par rapport à ça. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de soutien, d'encouragement, enfin non pas d'encouragement mais d'aide et je trouve que c'est vraiment important et ça fait du bien, ça fait du bien. Alors ne perdez pas de temps à aller dire j'aime pas Joel ou Aya Nakamura ou ceci parce que les 10 minutes que vous avez perdu à écrire ce commentaire là, eh ben c'est autant de messages que vous auriez pu envoyer aux gens que vous aimez. Oui, voilà. Donc allez encourager ceux qui valent le coup et arrêtez de perdre du temps à aller envoyer des choses négatives. Ouais. Aux autres personnes. Ouais. Et ça me rappelle une conversation que j'ai eue il y a pas très longtemps avec une personne qui me disait ouais, mais sur ton Facebook les gens ils publient tout ça. Des fois, tu dois enlever le truc. Je dis, écoute, non, j'ai jamais eu de retour négatif sur le Facebook. Donc, j'espère que je vais pas donner de mauvaises idées aux gens qui m'écoutent ce soir. Mais à chaque fois, c'est, des encouragements, bonne soirée, bonne émission, on t'écoute, nanana. Mais c'est jamais, j'ai jamais eu quelqu'un qui me disait, il faut que t'arrêtes, je sais pas. Non, c'est une question que je m'étais jamais posée. Et c'est vrai que j'ai jamais eu à censurer quoi que ce soit. C'est toujours tel quel, hein. Donc, les gens qui s'y intéressent viennent me voir, il y a pas de souci. Ceux que j'intéresse pas, à la limite on les ignore et qui m'ignorent aussi, hein, ça m'arrange. Voilà. Très bien. Donc on arrive à la fin de cette émission. Baptiste, tu voulais faire dire quelque chose alors? Et du coup le dernier titre c'est Merci d'Alex Levay sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu dans cette émission. Merci à toi Baptiste, merci à toi Alex, merci Didier d'être toujours présent dans l'émission Mavrika. La semaine prochaine tu seras pas là, hein. Tu me laisses tout seul avec les quatre métalleux de Skydroll. Je répète. Voilà, bah oui, toi aussi t'es musicien, donc t'as une répète. Donc on va faire une petite, on va dire les phrases magiques. Que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. On va aussi souhaiter aux gens donc une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission numéro 666. Le chiffre juste avant Noël, c'est pas vraiment le bon moment, mais bon, hey, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour écouter la musique. Les gens sont super gentils, mais ils font de la musique qui envoie du bois et ça sera l'occasion d'écouter justement les Skydroll qui vont revenir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je vais leur contacter pour préparer un petit peu l'émission. Ça s'est décidé en début d'émission, hein. C'est comme ça que ça s'est passé avec Victorien qui est intervenu au téléphone. Et donc et puis après c'est Didier, il a pas l'habitude, hein, c'est normal. Non, j'ai pas l'habitude de la radio. Il est rentré chez lui, oui, il a coupé le saucisson, donc cette émission est en direct. Non, mesdames, messieurs, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 90.2 sur Orléans. 96.2. Tu vois. Voilà, cette émission est terminée. C'était la 665. Merci donc à tous les gens qui sont intervenus. Merci à tous les gens qui ont été sur le Facebook, etc. Au revoir. Et puis rendez-vous la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. Et puis Alex, à très bientôt. Hein. Tu es toujours le bienvenu ici. Tu es ici chez toi. Je sais pas si tu regardais Jacques Martin, tu viens quand tu veux. Et voilà. En tout cas, cette émission est terminée et en tout cas, on l'a dépassée bien comme il faut, presque d'une demi-heure. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. On vous laisse avec RDP International juste après. Voilà, cette émission est terminée. On écoute le dernier morceau qui s'appelle Merci. J'ai rencontré assez déceptions, ces fausses amitiés, assez trahisons, celles qui m'ont blessé. Je suis venu vous dire merci, meilleurs amis, meilleurs ennemis. Aujourd'hui, je suis qui je suis. trouverez la si belle raison, ces moments d'amitié, à ces passions, celles qui m'ont relevé. Je suis venu vous dire merci, meilleurs amis, meilleurs ennemis. Aujourd'hui, je suis qui je suis. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Faz-se por cá. Faz-se, senhor. Hoje vamos falar com Jaime Mendes. Ele é o homem por detrás de uma